Yes, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce Connery Show numéro 4, 3, je sais plus, 4 on va dire, c'est stylé 4 comme numéro. 4 c'est bien. Parce que ce soir on est 4. Et ce soir, la première personne, des yeux ravageurs, un sourire incroyable, Lucas Bonfils est avec nous. Putain. Bravo. Bonsoir. Désolé. Moi, Fanny. Je pensais que c'était moi. Je suis un peu déçu. Je vais trouver un truc qui fait un peu pareil. T'as intérêt de faire mieux. Bon, Lucas Bonfils, 2-3 mots pour te présenter à nous. Oui, je m'appelle Lucas Bonfils. J'habite à Nantes. Je suis musicien et je travaille également dans le domaine de la musique, mais au niveau production. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est excellent. C'est déjà pas mal. Ok, la production dans un style particulier ? Oui, c'est plutôt orienté jazz et musique classique. Donc voilà, on s'occupe de faire tourner des groupes et des artistes, et de gérer leurs concerts, leurs déclarations, des trucs qu'ils ne savent pas nécessairement faire et qu'on fait à leur place. En même temps, ils sont censés faire de la musique. Exactement. Et c'est là où vous servez à quelque chose. Ouais. Excellent. On reviendra plus tard, plus précisément, sur ce que vous faites plus profondément. Et du coup, aussi des yeux et un sourire ravageur et un rire hors du commun, Fanny Maillard est avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, Fanny, qui es-tu ? Qui je suis ? Moi, c'est Fanny, j'ai 23 ans, j'habite à Nantes et je suis étudiante en design digital. Plus particulièrement, maintenant, je fais un master en réalité virtuelle et augmentée. Voilà. Waouh, pour les jeux sur la PS4. Ouais, mais pas que. Pas que, c'était le mois dernier. Oh, allez, bim, première. Ça commence. Voilà. Je vois pas d'où je suis, si ça enregistre, tu l'as, toi ? Le point rouge qui clignote ? Il y en a pas. Non, sérieux. Mais mec, t'as lancé tout à l'heure. C'était l'échauffement. Ouais, c'est ça. Oh, merde, on a loupé tout ça. À la Zob, à la chaîne Connery. Et ça y est, enfin, vous nous voyez et je vois le point rouge et ça enregistre enfin. Vous découvrez enfin les visages de nos magnifiques invités. Voilà, c'était une surprise, c'est fait exprès. C'était clairement voulu pour montrer qu'on n'est pas encore professionnel. Ouais. Ou d'autres raisons que vous trouverez vous-même. Ce soir avec nous pour nous accompagner, comme d'habitude, Elliot Trangillac est à la table. On dit vite fait qui on est. Bah oui, c'est mieux quand même, non ? Elliot, 28 ans, je travaille en tant que réceptionnaire et gestionnaire de stock, mais aussi acteur, réalisateur sur Speedwatching et sur cette chaîne-là. Voilà. Sur feu, Speedwatching. Bah, pas encore feu, mais... Ouais, presque un demi-feu. Spoil. La fin va vous tristutiner. Allez, j'arrive plus à parler, c'est bien parti. Et puis du coup, moi, Johan, la moitié de chaîne Connery avec Elliot Trangillac. Et j'ai 14 ans, comme à l'émission précédente où j'avais oui, ça. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, comme je suis de juillet, on n'a pas encore dépassé le 15. Ça vient. Super. On va passer par une question toute simple au début qui va faire appel à votre mémoire. Vous avez fait quoi cette semaine, Fanny ? Ah, cette semaine, dure semaine, très dure semaine pour moi. J'ai fait que travailler, en fait. J'ai pas profité. J'ai fait que travailler. Et je m'en remets à peine, parce que du coup, voilà, je suis sortie hier soir pour décompresser. D'où les stories Instagram. Voilà, c'est ça. Mais tu profites pas de ton travail ? Je profite de mon travail. Si, si. Si, sauf que, voilà, on a eu une petite présentation un peu frustrante, donc. Aïe. Beaucoup de travail et pas assez de. De résultats. Ouais, tu veux qu'on débriefe sur. Non, ça ira. On peut faire une session psychologie après. Ok, on fera le bureau des pleurs après. C'est une nouvelle catégorie. Ah, on va la lancer. Ok, et Lucas, qu'as-tu fait cette semaine ? J'ai travaillé, mais moins que toi. Moi ? Ouais, moins. Peut-être pas. Moins. Aussi. Oh, si. Si, si. Je m'en souviens. Déjà, tu mets un jour férié le mercredi, où j'ai pas travaillé, et j'ai fait la bringue la veille, donc j'ai peu travaillé la veille aussi. Mais sinon, à base de travail, répétition et voilà, quotidien. On est des gens chiants, en fait. Du coup. On est hyper chiants, là, comme ça. Il ne s'est rien passé d'incroyable. Il ne s'est rien passé. Vous n'allez pas être déçus qu'on va parler de la nôtre. Ah ouais ? Vas-y, vas-y, on voit. Je commence à me taper la honte ou tu commences vas-y, à taper vas-y, la honte ? Vas-y, vas-y. Ben, j'ai travaillé. Non. J'ai passé la majorité du temps devant mon ordinateur à faire de la post-production et j'ai même pas fait de photos cette semaine. Aïe. Aïe. Ça fait mal où ça passe. Ah ouais, quand même. Ouais, bah ouais, mais bon, après, du coup, j'ai fait les photos, j'ai traité les photos que j'ai fait la semaine d'avant. C'est très important aussi, parce que sinon, c'est moche. Voilà. On passe à une quatrième semaine décevante. Ouais. Grosse semaine de travail aussi. Beaucoup de montage, des choses qui vont arriver sur cette chaîne, sur Speedwatching aussi. Voilà. Et si, je suis allé voir le spectacle de Chloé, de la toute première émission, du tout premier Connery Show, qui était super, on en parlera un peu plus tard. J'ai compris, yes. Chloé, je sais pas pourquoi. Chloé, oui, oui, c'est le spectacle de Chloé, ouais, j'adore. Aussi, mais... Et donc on parle de Chloé Poirier, justement, on va mettre une nouvelle catégorie dans cette émission, et c'est les coucous temporels. C'est du coup, on va reparler de nos invités et ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont passés chez nous. Et justement, Chloé Poirier, elle a fait son premier spectacle qui, a priori, s'est très, très bien passé. Mmh. Elle était très touchée. Beaucoup de gens sont venus la voir. Et elle a l'air très contente. Trop bien. On l'embrasse. Super. On l'embrasse. On t'embrasse. Et puis, sinon, j'ai les petites nouvelles des autres. Antoine Mallet, bon, ça vole toujours autant. En ce moment, il est au Brésil, il me semble. Fabien, il travaille et m'a dit « Elle travaille ». Je pense que tout le monde travaille. Ils ont eu des semaines aussi bien que les nôtres. C'est génial. On va passer aux découvertes. On a une petite catégorie où on parle des nouvelles choses qu'on a découvertes. Ça peut être aussi des vieilles choses qui peuvent dater des années 1700 jusqu'au pharaon. Ça peut être une découverte culturelle ou technique, technologique. C'est, vous avez pu découvrir, on en parlait l'autre fois, le coupe-ongle qui permet de se couper les ongles. C'est un truc de ouf. Depuis combien de temps la personne avait découvert le coupe-ongle ? 4 jours. Yes. Ah quand même. Et une autre, ses pieds, moi. Ah quand même. Et une autre avait découvert le dentifrice la veille. Ok. Heureusement pour nous. Heureusement pour vous. Ouais. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer ? Lucas, une petite découverte ? Oui, toute récente. Hier soir, je suis allé au concert d'un groupe qui s'appelle The Psychotic Monks, que tu connais sûrement, peut-être. Seulement. Que vous connaissez peut-être. Je ne connais pas. C'est un groupe de rock. Et j'ai pris une énorme tartine. Vraiment, je crois que c'est un truc, j'ai jamais vu un concert aussi stylé, c'était incroyable. C'est un groupe qui est de Saint-Ouen, à côté de Paris, qui commence à bien monter là, et vraiment c'était fou, c'était cosmique, apocalyptique, incroyable. D'accord, donc un putain de brunch quoi. Un putain de fucking brunch. Rapport à la grosse tartine. Ah yes, yes, c'était un gros brunch avec plein d'œufs. Et c'était vraiment fou au niveau musical. Après, je pars pas sur les connaissances techniques et technologiques parce que j'y connais rien. Le dentifrice, ça fait 2-3 mois moi, que je connais, donc je vais pas y revenir. Mais en tout cas, ouais, Psychotic Monks, incroyable. Allez regarder. Si vous aimez le rock et des trucs un peu ambiants, c'est très bien. Ok, super. Fanny, as-tu quelque chose à nous partager ? Là, j'ai pas trop d'inspi, mais j'ai fait de la veille, parce que je fais de la veille pour mon métier, de la veille technologique, pour m'informer en fait de ce qui existe. Voilà. D'accord. Et moi, je suis pas jeu vidéo, mais du coup, j'ai été amenée à m'intéresser à ça cette semaine pour un projet, et j'ai découvert les head-up displays, les HUD. Personne ne connaît. C'est les interfaces de joueurs en jeu vidéo et les différents éléments qui composent un jeu vidéo en fait. Ok. Voilà, et comment ils se composent, comment je ne sais pas si c'est intéressant pour vous. Mais moi ça m'a éclairé en tout cas, okay. Vraiment. Okay. Ouais, trop bien. Pour mon projet. Ouais. Wow. HUD. Okay. HUD. Ok. Tu nous as par exemple. Non, mais non. Ah, si, c'est pas les informations qui s'affichent sur. Oui, par exemple. Alors, allez, vas-y, je sors ma science. Par exemple, il y a les éléments extra-diégétiques. Donc, ça, c'est par exemple tout ce qui est barre de vie, donc qui va rester fixe et qui est disponible pour le joueur, mais que forcément le personnage ne le voit pas. Je vois ce que jusque c'est. Là, ça y est, d'accord. Ça y est. Et bah, puis, je reviens, je vais pisser. Moi. J'ai compris. Pourquoi tu m'as invité, Johan Parce que justement, on va apprendre plein de trucs. Je crois que j'ai compris. En gros, tout ce que tu as sur les tours de l'écran là, qui te permettent de savoir où t'en es dans la partie. En fait, il y a différents éléments. Les éléments qui sont 3D dans l'environnement, les éléments qui sont disponibles pour le joueur ou pour le personnage. Voilà. Trop bien. Waouh. Ces choses-là. D'accord. Excellent. Je peux pas parler du projet sur lequel je bosse parce qu'il est confidentiel. Donc c'est pas pardon. Cool. Pardon. Et c'est quoi le projet du coup sur lequel tu bosses? Tu sais, on fait même pas 100 vues. Hein. Tu peux y aller. Ah, ça, c'est une screen. C'est pour une compagnie aérienne. Mais chut. C'est vrai? Oh, mais tu l'as mis en story Instagram. C'est pas si secret du coup. Allez, je ne dirai rien pour te protéger. Elliot, est-ce que tu as quelque chose à nous partager cette semaine? Non, pas grand-chose. Si, j'ai fait un truc con là en rentrant chez moi. Là, c'est tout con. En fait, du coup, j'ai 3 chats, j'habite dans une maison. Okay. Et vu qu'on habite pas loin de la route, on essaie de faire en sorte qu'ils se barrent pas. Et pour ça, on a installé un filet. Donc un filet au-dessus de notre cour, en fait. Pauvre chat. Et donc là, il a plu toute la journée. Et le filet, normalement, il a une petite forme comme ça. Puis là, je suis rentré et puis je voyais qu'il avait une forme comme ça. Donc je me suis dit, tiens, bah, c'est chelou. Ah, mais ça doit être les gouttes d'eau. Donc je me mets au milieu, puis je le secoue un peu. Il y a une trombe, mais je te jure, une piscine qui m'est tombée dessus. Mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais pris autant d'eau sur la gueule. Donc voilà, c'est l'anecdote à la con. T'as découvert qu'il fallait pas secouer un arbre quand t'étais en dessous. Non mais je te jure que j'ai pris une piscine sur la gueule. Hein. J'ai halluciné. C'est trop drôle. T'es retenu de me raconter ça dans la bagnole en venant ici. J'avais très envie de le dire. Faut que je la garde. Bah du coup moi aussi j'ai un truc que j'ai retenu et du coup je l'ai écrit parce que c'est compliqué et j'ai mon enfance qui a été remise en question. Oh non. Dans la chanson de la mère Michel. Oui. Avec le père Lustucru. Oui. Donc vous avez entendu Lustucru comme les pattes, comme moi. Mm-hmm. Je crois bien. Ah c'est Lustucru. C'est Lustucru au verbe. Oh. Voilà, je le mettrai écrit au-dessus de nous pour qu'on se tape bien la honte. Excuse-moi Yohan, j'ai pas compris. Attends. c'est quoi les lyrics? Bah le père Lustucru. Le père Lustucru. L'apostrophe EU2SES- Oui, mais c'est quoi la suite du coup? Parce qu'en fait, il y a une suite. Lui a répondu. En fait, c'est le père, est-ce que tu crois ça? D'accord, c'est, oui, c'est ça qu'il me fallait. Okay. C'est les magies de la langue française. Hein. Ouais. On la découvre encore et encore. Ouais, ça me détruit tout. Ouais, moi aussi, du coup. Ouais. Bah, je vais y aller peut-être. J'ai des trucs à remettre en question. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Mais est-ce qu'on est sûr que les pattes, c'est Lustucru du coup? Pour le coup, ça s'est écrit. C'est pas juste nos mères qui nous l'ont chanté. Et une autre découverte technologique, moi ça m'a fait marrer, j'ai entendu parler d'une application de rencontre qui s'appelle Hater, et en fait les gens, au lieu de te proposer ceux qui ont des jolis visages à ton goût, ils te proposent des gens qui ont les mêmes goûts que toi. Donc en fait quand l'application se démarre, tu swipes à droite ou à gauche pour des sujets que tu aimes ou que tu aimes pas, ou alors tu t'en fous, tu peux aussi choisir de skipper le sujet. Et l'application te propose des gens qui ont répondu approximativement la même chose que toi. D'accord, ah, mais cool, est-ce que tu vois les visages ensuite? Et après ils te proposent des visages en fonction. Voilà, je sais pas à quel point ça marche. C'est pas mal. Et franchement, je suis allé une fois parce que j'ai trouvé ça marrant. Et puis après, bah, j'ai oublié parce que j'avais des trucs à faire, travailler. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça marrant et un peu changeant des applications basées simplement sur le physique en soi, sur un Tinder ou pire. Et du coup, tu comptes continuer de l'utiliser Juste parce que je suis moins triste. Et non, je n'ai même pas de chat. voilà, à peu près tout. J'avais une autre vanne, mais je sais pas si c'est. On la coupera peut-être au montage. J'ai découvert aussi que la seule espèce qui peut séduire les femelles en montrant sa queue, c'est le paon. Voilà. Okay. Magnifique. Pour suivre l'application. Le jeu de mots m'a fait rire. Je voulais partager ça. Okay. Pas mal. Donc, montrez pas vos gags tout de suite. Merci. On va aller du coup un peu plus profondément sur ce que vous faites dans votre vie, vos passions, vos métiers passions. Vos galères, pourquoi pas? Est-ce qui vous vient? Est-ce que vous avez envie de partager? Fanny? On commence par moi. C'est parti. Alors donc, comme je disais, je ne sais pas si ça va être coupé ça ou pas, mais la première partie, je disais que j'étais étudiante donc en design digital. Donc j'ai commencé par faire un bachelor en design d'interactivité. L'interactivité, c'est la conception d'interfaces web, mobile, voilà. Et puis suite à ça, donc, j'enchaîne sur un master en immersive UX. Donc là, c'est tout ce qui touche à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'immersion en fait, en général. Et l'année prochaine, je vais faire un double diplôme à Laval. Donc c'est un master de recherche, pareil, sur la réalité virtuelle pour pousser mes compétences plutôt techniques du coup. Trop bien. Voilà. Wow. Toi, tu joues de la guitare, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis dépassée, je trouve ça fascinant. Ouais, mais moi aussi, je trouve ça fascinant les gens qui savent jouer de la guitare. Moi, j'ai les mains trop petites et je peux pas, en fait. Je peux jouer que du ukulélé. C'est assez triste. Du coup, tu reviens dans un mois avec un morceau du ukulélé. C'est oula, gentil d'en avoir parlé. Ok, challenge. Allez, accepté. Et à côté de tes études, alors, niveau alors, passion? Alors, passion, bah, moi, c'est la danse. J'ai fait 15 ans de jazz. Et là, ça fait 4 ans que voilà, j'ai voulu changer, j'ai voulu me confronter à autre chose et me mettre un peu en danger. Et j'ai commencé la danse urbaine, enfin, le hip-hop, en fait. Voilà, donc c'est une vraie passion, ça, par contre. Et c'est difficile de choisir entre le design, qui est aussi une passion, mais qui reste un job, et ma passion pour la danse. Donc, j'essaye de concilier les deux maintenant dans mes projets. Le but, en fait, c'est de pouvoir vivre des deux. Je ne sais pas encore comment, mais je vais y arriver. Trop bien. Voilà. C'est parfait comme état d'esprit. Oui. Excellent. Oui, et si on mettra les Instagram de nos chers invités, vous verrez régulièrement être danse en story, et c'est superbe. Voilà. Et moi, je suis impressionné par ça. Moi aussi, je joue un petit peu de guitare, encore moins bien. Oui. Et... non, tu joues très bien, Yohan. Tu m'as pas vu. J'ai des dossiers. Je suis pas au courant. Autre chose à nous partager sur ta vie Sur ma vie oh là là, trop de choses à dire. Je suis partie 6 mois aux États-Unis dernièrement. Où ça? C'est quelque chose, Seattle. Cool, oh, cool. Trop bien. Cool et enrichissant, parce que c'est une sacrée expérience déjà de partir à 9000 kilomètres des gens que tu connais et de tout ce que tu connais en fait. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, les États-Unis c'est bien, mais la France c'est bien aussi. Ah ouais? C'est bien au niveau du fonctionnement ou est-ce que c'est bien? C'est bien de... parce qu'en termes de travail, on te pousse à aller plus loin, les gens sont motivés. Par contre, c'est vrai que là-bas, le système social, il est bien pourri, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre ici, quoi. Et c'est bien de s'en rendre compte, du coup. Enfin, je trouve. Voilà. C'est hyper bien. Voilà. C'est hyper bien. Je suis allé à New York. Je rebondis deux secondes. Ouais. Je suis allé à New York il y a 2 mois et je me suis dit la même chose que toi. Qu'ils sont hyper travailleurs et tout le temps volontaires et ils travaillent, ils font des semaines de ouf, mais qu'ils n'ont pas l'air d'avoir un système de sécurité hyper bien et non plus de... Enfin, je sais pas, c'est une mentalité différente. J'aurais du mal, moi, je crois, à vivre là-bas. Moi je pourrais pas. Ouais. Je m'en suis rendu compte. D'accord. Et voilà, si je peux parler d'une découverte, du coup, ça me revient. Ouais. C'était pas cette semaine, donc du coup, c'était aux États-Unis. Et par rapport à ce système social, j'ai appris qu'en fait, les femmes payaient pour accoucher. Et ça m'a juste... Oh. Et ça m'a okay. juste, en fait, j'ai halluciné, quoi. Après, les femmes payent pour leurs tampons en France. Hein, si on oui, mais on est quand même pas ça. Je crois que là-bas, ils payent pour tout ce qui est médical. Non, mais j'ai trouvé ça en fait dingue parce qu'on est tellement habitué à notre système qu'on se dit, ah, mais c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc, soyez contents d'habiter soyez ici. Soyez français. Relativiser un petit peu. Ok, super. Donc, on passe à toi, Lucas. Allez, profondément. La question, c'était. Qui es-tu? Tes passions, ce que tu aimes faire, ce que tu fais le soir en rentrant après avoir travaillé. Et je continue à travailler. Ah, yes. Non. En fait, moi, j'ai fait une. Pour parler études, parce que tu as parlé études, j'ai fait une licence de droit qui m'a servi à rien. Mais je l'ai fini quand même pour faire plaisir à mes parents, maman, si on regarde cette vidéo. Et en fait, après, ça fait longtemps que je fais de la musique. Ça fait depuis que j'ai 13-14 ans. J'ai eu plein de groupes quand j'étais jeune. Et du coup, j'avais envie de faire de la musique. Donc, en sortant de la fac de droit, en fait, je me suis dit, il faut que je travaille pour autre chose que le juridique parce que ça me faisait chier. Je peux te dire des gros mots ? Ouais, tu peux. On n'est pas encore monétisé de toute façon. Ouais. Donc, putain, okay. Merde, chier. Mais c'était vraiment un milieu qui ne m'intéressait pas, en fait. Autant je me suis enrichi, culturellement, c'était intéressant, le droit, parce qu'il y a aussi des notions d'histoire, des notions de construction de plein de choses, mais je me suis dit non, j'ai pas envie. Et donc quand je suis sorti en fait de la fac, mon père et mon frère avaient monté une boîte il y a un moment, justement dans la musique, dans le jazz et dans le classique. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour leur filer un coup de main à ce moment-là. Ce à quoi j'ai répondu oui, parce que ça me permettait de faire de la musique à côté. Et depuis, je jongle en fait entre un peu comme toi, tu jongles entre deux milieux. Moi, je jongle entre la production musicale où ça m'intéresse et ça me plaît. Mais disons que mon rêve ultime, ce serait de faire de la musique. Et pour ça, j'ai un groupe que tu connais qui s'appelle Mad Foxes. Ça déboîte sa mère. Ouais, ça déboîte sa mère, ouais. Non, mais voilà, un groupe avec qui on travaille beaucoup. Et j'ai deux autres projets aussi un peu plus restreints, mais qui sont intéressants. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire que ça, en fait, de faire de la musique. De la musique. Et voilà ma vie actuelle. Les deux autres projets un peu plus restreints, comme ouais. tu dis, c'est déjà public ? C'est déjà public, ouais. Il y a un groupe qui s'appelle Feathering, mais que tu connais aussi. Putain, yes. Qui n'est pas mort, avec Mathieu, ouais. du coup. Et il y a un autre projet qui est plus punk, assez violent, où je fais que du chant et pas de la guitare, qui s'appelle Tickles, qu'on va lancer en juin. On joue, on fait une date à Nantes, au Café du Cinéma. D'accord. Voilà, j'annonce, gros non, spoil. On sera yes. là. On serait là. On y sera. L'événement dans la description. Allez-y. Oui. Donc voilà, c'est trois projets qui me prennent pas mal de temps. Plus le boulot qui me prennent pas mal de temps et puis la vie à côté. À vocation du coup professionnelle, ces trois groupes de musique ? Surtout Mad Foxes, ouais. À vocation professionnelle, maintenant le danger justement c'est de faire passer la vocation professionnelle avant l'artistique et de se dire il faut absolument que j'en vive. Et du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc l'idée c'est avant tout de faire quelque chose... qui nous plaît énormément et faire en sorte de développer cette chose-là qui parle aux gens de manière professionnelle, mais certainement pas d'arriver et de dire il faut qu'on soit intermittent, tu vois. C'est ce qu'on appelle un peu le commercial après. Exactement. C'est qu'on a fait après, ça que fais... pour que ce soit vendu sans se faire trop plaisir. Voilà. Après, mais c'est tu valable fais, partout. Du comment s'appelle les frérots de la Vega en rock. C'est vrai que t'as un petit air quand je te regarde. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Oh, ouais. Kenji aussi. C'est, Maître Gims, on m'a dit aussi. J'ai pas compris celui-là. Mais... Ah, le mec était pas réveillé. Non, il s'est pas réveillé. Ou alors il se foutait vraiment de ta gueule. Ouais. Autre chose à nous partager Non, je suis content d'être ici. Oh, mais nous voilà. Aussi, on est content. Ouais, on a deux beaux invités. Ouais. Parfait. Eh ben, je vous propose qu'on passe au sujet du jour. Ok. Alors, justement, on parle de pro, et ce que j'avais envie de voir avec vous, parce que vous êtes de deux milieux vraiment différents, c'était un peu le passage à la sphère professionnelle. Le moment où vous avez fait des études, ou vous faites encore des études, mais du coup, c'est intéressant, comment toi, tu envisages le passage et comment ça peut se passer pour toi de passer dans le monde professionnel. Et Lucas, du coup, nous reparler de cette transition et par exemple de la démarche que vous avez pour devenir professionnel avec Mad Foxes. C'était tout ça que j'avais envie de voir et surtout assumer sa valeur et ses compétences. Ouf. Assumer ses prix par rapport aux autres. Ça, c'est compliqué. Et ajuster son réseau par rapport à ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et là, on en a pour 3 heures d'émission. Parce que là, c'est pas juste un débat, c'est une séance de psy en même temps. Non, c'est savoir. Ouais, mais j'adore. Ok, cool. Je kiffe, c'est mon format familial. J'ai des angoisses, voilà. J'ai des angoisses, putain. Travailler. Non, mais ok, trop bien. C'était un peu voir comment tu l'avais, toi, imaginé avant de. Le moment où t'es passé pro, en fait, effectivement, t'as une jolie proposition. Ton positionnement aussi par rapport à ça, te dire ça va me faire gagner de l'argent. On avait déjà eu un débat sur les jobs alimentaires, ouais. Comment on l'imaginait, qu'on était moins impliqué du coup dans la boîte dans laquelle on était, parce que finalement c'était pas le but final d'être là-bas, donc on était un peu en décalage par rapport à la réalité. Voir comment tu t'es ajusté par rapport à ça quand t'as proposé de bosser. En plus il y avait un enjeu, c'était tes parents, ton papa, voilà, y a ça. Et ton frère. Donc ouais, c'est vrai. Tu veux me lancer? Ouais, je te lance direct. Allez. En fait, oui, t'as raison. Le truc, c'est que moi, je suis un mauvais exemple dans le sens où j'étais directement dans une phase où j'ai pu m'insérer dans un projet qui, quand même, était à vocation artistique. Je suis pas allé travailler chez McDo, je suis pas allé faire les 3-8 ou je ne sais quoi, ce qui m'aurait pas dérangé de faire, mais en fait je me suis directement retrouvé dans une proposition artistique autre qui n'était pas ma musique, mais qui était quand même quelque chose avec des valeurs que je trouvais intéressantes, en fait. Donc c'est délicat, et c'est aujourd'hui le problème que j'ai, en fait, c'est que je sais pas dans quelle mesure je me vois arrêter ce travail là qui quand même me tient à cœur pour me concentrer 100% à la musique qui me tient encore plus à cœur. Et en plus, il y a une notion d'héritage avec mon père qui a monté cette entreprise, et c'est important aussi pour moi de respecter ce truc-là. Donc c'est beaucoup de questions qui se posent, et c'est trop marrant parce que c'est des questions qui se posent à l'heure où on se parle, mais à fond. Genre, j'ai visé pile poil. T'as visé tellement juste, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de concerts avec les gars et on fait des plans sur la comète. On se dit, est-ce que c'est possible de passer intermittent d'ici un an, tout ça. Et c'est très très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il peut y avoir de l'anxiété liée à ça aussi. Enfin, je t'en parlerai après aussi, je pense, et même vous qui êtes dans un domaine artistique. Donc c'est énormément de questions auxquelles j'ai pas de réponse, mon petit chat. Mais avant tout, effectivement, tu mets quand même ton envie et te faire vachement réfléchir plutôt que la sécurité aussi, peut-être. Ouais, là à 25 ans, ouais. Ouais, à 25 ans, on n'a pas encore 35. Ça. C'est ça, là clairement. Il y a une limite à pas dépasser. Voilà. Bah après, c'est aussi que ça a été calé comme ça par notre société. Ouais, c'est bien dommage. A priori, à 30 ans, il faut être marié avec deux gosses, un joli portail et un chien. Ouais. Allez. Tout ce que t'as d'ailleurs, c'est ça. J'ai déjà, moi, 5 gosses. T'es marié à un chien d'ailleurs, je crois. Je suis marié à un chien, parce que j'ai pas trouvé de femme. Ouais, c'est ça. T'es marié à un portail même, je crois. J'ai un peu mal. Je le prends mal aussi. Non, mais t'as raison, c'est une vraie, pression sociale qui existe moins, je crois, aujourd'hui quand même. Ouais, moi, je trouve que, enfin, surtout en tant que femme, on la ressent encore plus, je pense. Bah oui. Parle-nous-en. Non, mais enfin, je veux dire, la femme, elle est chronométrée dans le sens où, voilà, à 30 ans, déjà, on commence à te dire, bah oui, les enfants, il va falloir y penser, parce qu'on ne peut pas, se permettre d'aller plus loin, quoi. Vous, oui, vous avez la chance de pouvoir le faire, mais pas nous, donc si, un peu quand même, un peu, si, elle est toujours présente. Enfin, moi, personnellement, je la ressens. Mais sans parler des enfants, tu sens qu'il y a une pression sociale de se dire, il faut que tu aies un vrai métier, c'est horrible de dire ça, mais de se dire que c'est dur de vivre de sa passion et que les gens préféraient que tu... Ah bah déjà, j'ai pas été vraiment poussée par mes parents pour danser, par exemple, parce que je fais ça quand même depuis toute petite, et ils le savent très bien que c'est ma passion, mais forcément j'étais poussée à faire autre chose, quelque chose qui était rémunéré, quoi. Mais après, je les comprends maintenant, et je leur en veux pas, hein, parce que maintenant je sais que je vais pouvoir combiner les deux, et ça va être chouette aussi. Donc j'ai ma sécurité quand même, mais qui me plaît, un peu comme toi en fait. Ouais. Et je vais essayer de transitionner vers autre chose après. Ouais. Okay. Et si on parlait de monde idéal, t'aimerais faire que de la danse ? Je pense pas, parce que je suis pas quelqu'un qui est axé sur... Enfin, je peux pas faire qu'une seule chose à la fois, donc j'aime bien toucher à plein de choses, donc non, pas que la danse. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux casquettes, s'il faut, c'est bien. Je pense que ça fait aussi voir différemment son autre métier et de faire autre chose à côté. Aussi, ça t'ouvre des portes. Du coup, moi, j'ai eu ce truc-là, j'ai toujours voulu faire du son à l'origine, du coup. Et je me suis un peu jeté dans le vide. Ma mère voulait que j'aie un BTS audiovisuel pour avoir un diplôme, etc. Aujourd'hui, je n'ai que le bac, désolé maman. cette question-là, de faire de la passion, je me la suis pas posée, je me suis mis en danger pour pouvoir faire ça, ce qui m'a poussé à prendre un job alimentaire pour survivre, payer mon loyer, toutes ces choses-là. Et j'ai pas eu cette question-là, du coup, d'avoir un job. Le job secure, il fallait absolument que ce soit mon truc-là, et je me suis mis... Enfin, j'ai bouffé des pâtes pendant des mois. Parce que c'est se pousser au-delà des limites. C'est courageux, c'est très courageux. Ouais. Je suis fière de toi. Mais c'est une autre façon effectivement de voir le truc, et quitter mon job alimentaire, ça a été hyper dur, même si pour moi c'était la pire des choses. C'est là où j'ai rencontré Elliot, donc c'était pas tant la pire des choses que ça. Vous étiez au même... On a fait Chrono Drive. Chrono Drive, C'est où ça? C'est Port de Rennes, sur le Cardo. On faisait des courses dans un entrepôt. On scannait tous les produits, on les mettait dans des caisses et on les mettait dans le coffre des gens. Et moi, j'étais au fond de l'entrepôt et je voyais même pas le client, c'était affreux à gérer. Et il fallait que je... Mais en même temps, j'y étais attaché parce que ça rapportait de l'argent. Et cette question-là, moi, s'est posée à ce moment-là de « Putain, qu'est-ce que je fais ?» C'est une vraie pression aussi, Et j'imagine encore plus à d'autres niveaux. Non, pas nécessairement, je pense. Enfin, je veux dire... C'est un saut dans le vide. Ouais. C'est un saut dans le vide et toute cette question aussi d'assumer son travail. Du coup, en sortant de ce job alimentaire, je suis passé dans la photographie. Ce que tu fais très bien d'ailleurs, je tiens à le dire. On peut arrêter de me sucer. Il faut que je rentre chez moi après. C'était hors caméra, ça fallait pas le dire. Il faut que j'arrive à rentrer chez moi avec mes chevilles quand même. Y a ce truc-là aussi d'assumer ses prix. Quand on n'a pas de structure, je sais pas comment ça va se passer par exemple pour toi Fanny. C'est compliqué, mais surtout qu'on n'est pas formé à se vendre en fait. Non. On est formé à avoir des compétences, mais après se vendre c'est encore autre chose. Et moi je le remarque surtout en photo et en son, c'est pas ceux qui font le meilleur travail qui réussissent en fait, c'est ceux qui savent se vendre. C'est juste ce truc là de vendre le relationnel. Je vois des photographes qui font des photos... Je suis navré, pas ouf, à mon sens. Cite des noms. J'en ai plein, en plus, c'est horrible. Mais c'est pas grave, après, c'est mon avis à moi. Je suis content qu'ils réussissent, mais ils ont appris un truc là où je suis jaloux, c'est qu'ils ont appris un truc très important, c'est de se vendre. C'est ce côté relationnel, ce côté... je sais pas, ils ont réussi à lancer le client, trouver ce qu'il fallait pour le client, ou... Enfin, client, c'est un peu... Pour la personne qui voulait des photos. Et ils ont réussi aussi à assumer un prix. Ce qui peut se faire, dans mon cas, avec des collaborations, petit à petit, faire des photos, montrer ce qu'on sait faire, et au bout d'un moment, tu dis, bon, bah voilà, je coûte tant. Et là, justement, tu ajustes ton réseau et tu dis, voilà, tous ces gens-là, je ne vais plus les voir et je vais voir d'autres types de gens, en fait. Et c'est d'ailleurs drôle parce que dans la musique, on se retrouve dans un dilemme que toi, tu as aussi, je pense. C'est plus tu te vends cher, plus tu es considéré comme quelqu'un qui travaille bien. Et moins tu te vends cher, moins tu es considéré comme quelqu'un qui travaille bien. Et en même temps, tu trouves moins de dates. Donc, c'est hyper compliqué d'arriver à dire, bah voilà, on coûte tant. La personne en face te dit, mais c'est abusé, c'est pas autant. Tu dis, ouais, mais voilà, on se déclare, il y a machin, il y a plein de trucs. Et en général, il y a des mecs qui arrivent et qui ont le flegme et les balls d'arriver et de dire, voilà, c'est tant et pas autrement. Et en effet, dans ces coups-là, ça marche bien. Après, tu peux avoir des agents quand t'es pas doué pour ça. Bien sûr, ouais. Mais ou ça, des agents ou un manager. Ça, il y en a encore moins que. Ouais, ça court pas les rues. Ça court pas les rues. Les rosters sont pleins partout. C'est vrai. Ouais. Même en photo, je sais pas comment ça se passe. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil. Tu trouves un agent, mais faut. Okay. Ou alors t'as une sacrée agence. Parce que, par exemple, majoritairement, les boîtes, les marques, je sais pas, vont prendre une agence et ils vont choisir un photographe dans leur roster, le catalogue de photographes qu'ils ont. Et ça se passe tout par l'argent. L'argent. Allez aussi. On fait un spécial argent ce soir. Balance ta thune. Je gagne par mois. 42 euros. Hein, pas grave. D'accord. Et toi, par exemple, Fanny, comment ça va se passer à la fin de tes études? Est-ce que tu vas être en freelance? Est-ce que tu peux trouver une boîte? Quelles sont les différentes structures qui sont possibles? Alors, c'est la grande question, moi aussi. Je pense que ça va se passer plutôt fluidement, parce que l'école fait en sorte que ça se passe bien, tout simplement parce qu'on finit par un stage de fin d'année, donc forcément ça peut déboucher aussi un CDI. Donc le but en fait c'est de faire un projet de fin d'études et un stage qui soit vraiment comment dire, axé sur toi ce que tu as envie de faire. Et puis après, bah, ça coule de source normalement. S'il faut bien choisir à ce moment-là, en fait. Comme c'est ça, le moment où il faut bien choisir. pour l'école. C'est ça aussi. Je sais pas si on a le droit de le dire. Après, pour c'est mon cas. Oui, c'est moi. Tu n'as pas du tout acquiescé. Pour mon cas, le problème qui se pose, c'est est-ce que je me lance plus dans un digital artistique qui paye moins, comme d'hab, ou est-ce que je pars sur une grosse boîte qui me paye bien et qui aussi paye mes études parce que ça coûte cher. Donc c'est la question en fait, est-ce que voilà, je reste fidèle à moi-même et je fais de l'artistique et je sais pas où je vais et je sais pas si je vais réussir à en vivre, etc. Soit j'assume le fait que j'ai envie de gagner du pognon aussi, quoi. Ouais. Donc je sais pas. Alors, en même temps, ça serait aussi plus... merde, j'ai pas le terme... Tu t'épanouirais plus dans un truc plus ouais, artistique. C'est sûr. C'est la grosse question. Question, je sais pas. On verra. Parce que le stage, il faut le trouver aussi. Donc en général, on choisit pas. C'est eux qui nous choisissent, donc on verra. D'accord. Mais, déjà, mon projet de fin d'études, je l'axe sur la danse. Donc, je commence à tisser un réseau qui combine tout ça. Et j'espère que je vais continuer sur cette voie-là. C'est le but. Ok. De toute façon, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Oui. Il n'y a qu'au fond qu'on peut mettre un coup de pied pour remonter à la surface. Exactement. Oh, cette belle analogie. C'est beau ce que tu dis. Eh bien, les copains, maintenant, nous allons aller encore plus loin dans le sujet. J'avais envie de vous parler de conflits entre des gens qui font votre métier, des gens avec qui vous apprenez votre métier et des gens qui travaillent avec vous. Est-ce que ça vous évoque quelque chose directement? Carrément. Carrément. C'est parti, Fanny. j'ai fait un stage aux États-Unis là. Je suis revenue en février, pendant 6 mois. Et j'étais dans une boîte de digital marketing. Et je me suis rendu compte que le design et le marketing, c'était pas du tout la même chose. Donc mon boss a cette vision-là très commerciale du design, en fait, qui ne me plaît pas. Et il fallait produire à fond pour vendre à fond. Il y avait pas vraiment de logique pour moi dans ce qu'on faisait. C'était vraiment de la vente de produits. Il fallait mettre en valeur le produit, mais il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas vraiment d'âme derrière, donc au début, quand tu ne parles pas encore super bien anglais, ça bouillonnait, mais je ne pouvais pas dire ce que je voulais. Donc, voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à l'ouvrir. Et puis finalement, donc, au début, ça ne lui plaisait pas, et puis il s'y fait, et puis il s'est dit, de toute façon, c'est une Française. Ils ne sont pas commodes, c'est normal. Ils ne sont pas comme nous. Non. Et je dis non, la France, c'est juste qu'on est plus francs, c'est tout. Donc voilà. Et finalement, il a bien apprécié. Enfin, il a commencé à apprécier à la fin du stage ce que j'essayais de lui raconter, en fait. Et tu penses que ça l'a fait changer de point de vue sur certains trucs? Je ne suis pas sûre, parce que c'est quelqu'un qui est très fier et il aime bien mener sa barque. Hein, parce que c'était une petite entreprise, on était 6. Et c'est lui qui chapeaute tout. Et voilà. D'accord. Donc le but de la boîte, c'était de vendre? En fait, on avait des clients, ça pouvait pas, enfin, ça pouvait être des boissons, ça pouvait être de l'alimentaire, ça pouvait être, on a eu des vapettes, donc okay. les cigarettes électroniques, okay, yes. Voilà, des clients comme ça, il fallait faire la com et le design. Et aussi, en marketing, le design, c'est vu comme, le graphisme, l'esthétique, en fait, de la com. Et pour moi, le design, c'est pas ça. Donc, okay. Y avait un petit souci à ce niveau-là, en fait. Pour moi, le design, c'est réfléchir aux besoins de l'utilisateur. C'est pas que esthétique, en fait. C'est réfléchir surtout à l'usage et comment ça va être perçu, l'expérience derrière la conception d'un produit. Pas que sa forme esthétique, en fait. Et eux, ils me sortaient pas, Fanny, tu vas faire un petit design? Comment ça? Genre, tu t'es retrouvé bridé, du coup? Ouais, vraiment. Ouais. J'étais dans la production comme dans une usine, en fait. J'arrêtais pas. Et j'avais pas l'impression de réfléchir, en fait, et je trouvais ça dommage. Voilà. Et concilier les deux, c'était trop compliqué. Enfin, ça leur convenait pas, du coup, quand t'allais dans un truc. Bah, c'est qu'il fallait produire le plus de choses possible. Chaîne, voilà. Fallait satisfaire le client, fallait que ce soit rendu à telle date. Il y a aussi cette question de rendu en design, mais on accorde plus d'importance à la réflexion avant de produire, avant la production. D'accord. Okay. Voilà. Il y a un documentaire Abstract sur Netflix. Oui, tu m'en as parlé. Tu l'as toujours pas regardé? Non. J'ai pas le temps. Génial. Mais je vais le regarder, ce promis. C'est mon deuxième challenge après le ukulélé, ça. Ok, c'est ça. Ouais, okay. Et on fait un connerie show spécial Abstract. Ok, c'est parti. Et il est super bien, du coup, sur le design et justement réfléchir à la perception de l'utilisateur aussi, vachement. Mais quand ils le présentent, effectivement, bah après, ils prennent des grosses boîtes ou des grosses pointures du design, évidemment. Évidemment. Quand tu designes les Air Max ou je ne sais plus quoi, les Nike Michael Jordan, là, y a un peu de skills. Mais, mais du coup, effectivement, ils réfléchissent à tout ça. Ils ont plus de liberté. Et du coup, ça me donnait une impression moins... Après, c'était des grosses boîtes, donc ils n'ont plus cette pression. Aussi. Toi, tu étais en stage aussi. J'étais en stage aussi, ouais. Mais enfin, j'estime qu'avec un bachelor, maintenant, je peux être considéré comme un salarié à part entière, pas qu'un stagiaire. Donc, ouais. Mais ça te trouve, tu as pris pour quelqu'un qui était juste là comme en exécutant Oui et non, parce que quand on n'est que 6 personnes dans la boîte, le stagiaire, il n'est plus stagiaire. Hein. Okay. il est dans le système. Ça a été facile de t'intégrer ou... Ça va, même si j'étais une boîte jeune, on avait entre 20 et 30 ans, donc ça allait. Okay. Bonne ambiance. On breakait, après on poussait les tables et on, et on dansait un peu, c'était sympa. Et tu parlais un peu de la barrière de la langue. Est-ce que t'es arrivé là-bas et personne ne parlait un seul mot de français? Est-ce que t'as eu un petit support? Non, ça parle pas français du tout. Surtout de ce côté-là des États-Unis. À New York, c'est plus cosmopolite, donc il y aura plus de français. Mais, et plus de gens qui parlent un peu le français, mais non, pas un mot de français. Bah super pour apprendre. Ouais, super pour apprendre. Et c'est vrai, quand tu parles français avec eux, c'est tout de suite magnifique, quoi. Tu peux dire de la grosse connerie. Ouais, ils aiment bien. Ils adorent. Ouais. Et ça, c'est génial. Est-ce que t'as pu les insulter? Alors, moi, clairement, des fois, j'insultais mon boss et il le comprenait même pas. Mais ça, c'est vraiment génial. Oh, la jouissance. C'est vraiment cool. Et pour peu qu'ils comprennent un putain. Non, mais en fait, il faut le dire, mais pas avec la façon de le dire comme si tu l'insultais. Tu glisses ça comme une phrase comme basique. Un bonjour, monsieur. Genre, va te faire foutre. Et il te. Et il disait, ouais. What? Travail. J'adore. Je réfléchissais. Génial. C'est un petit exutoire. Et ça fait du bien. Moi, je le fais quand les gens sont pas face à moi pour sortir ce qui va pas. Mais le problème, c'est que quand tu reviens en France, faut que tu te rappelles que les gens te comprennent. Ouais. Et là, tu peux avoir des problèmes aussi. Mais maman, ta gueule. Oh merde. Oh, merde. Exactement. Voilà. J'aurais adoré. Je regrette de ne pas avoir voulu apprendre le vietnamien en étant petit. J'aurais pu lancer des insultes à tout le monde. Ah ouais, tellement. Easy. On a parlé la dernière fois justement de cette barrière de la langue dans certaines situations qui nous sont arrivées. On en a eu 4. Tout le monde avait une bonne anecdote sur deux personnes qui ne pouvaient pas se comprendre ou qui avaient fait semblant de ne pas comprendre. Et c'était exactement ça. Lien dans la description, je vous invite à écouter. Je fais ma promo, qu'est-ce qu'il y a? Alors Et toi, du coup, barrière de la langue? Moi, barrière de la langue, ouais, elle est bizarre, en fait, la barrière de la langue, pour moi, parce que je chante en anglais dans un pays français, enfin francophone. Et du coup, t'as toujours, à la fin des concerts, des gens qui viennent nous voir pour nous dire « Faudrait chanter en français, on n'a pas compris ce que vous chantez. Oh, » Ce genre de choses. C'est beaucoup plus rythmé, l'anglais, c'est logique. Ça. Oui. D'un autre côté, moi, je comprends complètement et je respecte les groupes de rock qui arrivent à faire quelque chose en français, c'est très rare et très appréciable. En l'occurrence, nous, on a des goûts musicaux et des influences qui sont principalement anglo-saxonnes. Et du coup, on se retrouve à chanter en anglais. Moi, j'ai toujours chanté en anglais, j'ai toujours écrit en anglais. Je ne me vois pas chanter en français parce que je ne m'en sens pas capable. Et c'est vrai que ça nous arrive d'avoir ce truc-là, de dire... Ce qui est trop bizarre puisqu'on est en France. Ouais. On nous dit qu'on ne parle pas français comme des Américains, mais en même temps, on est français, donc... Il y a un petit truc de légitimité des fois. Puis un gros truc aussi de parler dans une autre langue que français, on assume moins. On a moins à tellement. Assumer. Qui se souvient de l'angoisse de se faire interroger en anglais au collège là, et de sortir un accent pourri. Mais aussi au niveau du sens des paroles. Écrire des paroles en français, c'est se mettre à poil et dire la même chose en anglais, ça passe mieux et on le ressent moins, on est moins attaché à ça. C'est vrai. Il y a ce côté-là où tu te rends compte qu'on peut dire ce qu'on veut en anglais aussi de par leur culture. Ouais, mais la langue anglaise est tellement moins riche que la langue française. Ça, c'est vrai. C'est vrai. You're right. Non, mais c'est vrai que c'est une culture différente. Quand tu écoutes les premiers morceaux des Beatles, pour prendre les classiques, en fait, si tu les transcris en français, en effet, c'est quand même super bateau. Alors qu'on a tendance en français. Alors c'est sous-marin, si je peux me permettre. C'est super sous-marin. Wow, excellent. Yellow Submarine. Plus pure banane. mais à côté de ça, il y a des trucs hyper riches aux États-Unis et il y a des trucs hyper pauvres en France dans l'écriture. Mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est des mécaniques différentes. Mais ça fera l'objet de l'émission numéro 34. Ah yes, tu reviens, c'est parfait. Ouais. Lucas, j'avais envie de te lancer. Du coup, tu es en train de vendre un groupe de musique et des groupes de musique, a priori. Oui. Plusieurs projets que tu fais tourner. Ouais. J'aimerais avoir un peu ta vision sur vendre, assumer un prix, le justifier si besoin est. Est-ce qu'il y a des situations dont tu pourrais nous parler, auxquelles tu t'es confronté, qui t'ont fait remettre en question, ajuster, ou te dire plutôt « je m'en fous, c'est mon prix », ou alors « je m'adapte parce que je le veux ». Ouais, complètement. Bah déjà, il y a deux trucs, c'est que tu as une séparation claire entre les projets que tu vends mais dans lesquels tu n'es pas et les projets que tu vends dans lesquels tu es. Bien sûr. Et moi, Mad Foxy, c'est un projet que j'ai énormément de mal à vendre parce que je suis dedans et qu'il y a une forme, encore une fois, de légitimité de se dire je suis en train de me vendre moi-même. Donc ça renvoie à l'ego, à plein de choses et c'est très dur. Par contre, vendre d'autres groupes, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, tu arrives avec un prix, tu dis voilà, c'est tant, tu peux négocier et il y a moins cette idée de... Je dirais pas se prostituer parce que c'est violent, mais il y a quand même un truc de ok, je me vends moi, tu vois. Je me vends moi et c'est plus compliqué. Donc ça, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de facilité à vendre des groupes du catalogue de VLF, la boîte dans laquelle je bosse, que de vendre mon propre groupe. Et après, par rapport au prix, c'est sûr, nous on a un prix avec les gars, avec Mad Foxies. On est très souvent en dessous, parce que si on n'est pas en dessous, on fait 4 fois moins de dates. Et si on fait 4 fois moins de dates, on joue pas, on gagne pas d'expérience, on n'a pas d'argent. Donc du coup, on se brade et en gros, bon, toi, je pense que tu connais bien, mais tu sais, en fait, il y a les cafés-concerts dans lesquels tu peux faire des concerts. Et après, il y a les salles plus importantes comme Stéréolux, par exemple, à Nantes et tout ça. Et quand tu joues dans des cafés-concerts, t'es rarement payé plus de 300 euros. C'est très rare d'être payé plus. Et 300 euros, ça permet de payer à peine 2 personnes. Au tarif minimum. Donc en effet, on se retrouve à se dire, bah merde, comment on fait pour gagner suffisamment nos vies, mais après voilà, c'est une question d'ajustement et là rentre en compte le truc de se dire bah c'est notre projet, donc on investit du temps et de l'énergie contre peut-être pas de l'argent mais contre le fait de jouer, de se montrer, de faire voir aux autres qui on est et de prendre de l'expérience. En fait, du coup, ça nous arrive de rogner sur le financier. Des fois on va nous dire on a une putain de date à vous proposer là, on peut pas vous payer, mais nous, payer ou pas, on y va parce qu'il y a tel groupe qui joue, il y a tel public qui vient, il y a telle chose. Donc en fait tout est ajustable tout le temps. Tout le temps. Et en même temps, ça tue le métier. Et ça tue le putain de métier. On va tous connaître ça. Quand tu acceptes une prestation à un prix ridicule, ouais, ça tue le métier. Du coup, tu dis à l'organisateur ou au demandeur qu'il a raison de demander ce prix-là. Ouais. Et ça, moi, je suis confronté régulièrement. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte parce qu'il me faut de l'argent ? Est-ce que je me respecte ? Je respecte ceux qui font mon métier ? Ou est-ce que ça m'est arrivé il y a 2 semaines où on m'a proposé une prestation ridicule ? Et je me suis dit, mais il se fout de ma gueule, c'est que dalle par rapport au travail qu'il me demande, c'est rien quoi, ce qu'il me propose. Et j'allais refuser, j'étais hyper, c'est mort, je vais respecter mon métier et tout, ça m'arrive de tenir cette position. Et là, j'ai flanché, je l'ai quand même pris parce que je me suis dit, bah, c'est quand même un peu d'argent et en fait, ça va m'aider à payer mon loyer à la fin du mois. Et c'est ric-rac, j'accepte. Et bah, j'ai fait une énorme erreur pour le métier et puis en même temps, j'ai quand même vendu une prestation. Il y a tout un truc de culpabilité et puis de se dire, bon, allez, c'est pas grave, je me donne à fond parce qu'après, il y aura mieux. C'est ça. Et après, ils peuvent te renvoyer l'ascenseur aussi. Oui, c'est pas rien, quoi. T'as fait un truc pour eux, c'est... Voilà. Espérons. Oui. Ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est aussi à toi. C'est aussi à toi au moment où tu... accepte ou non de faire comprendre à la personne en face que c'est une grande fleur que tu leur fais aussi, tu vois. Ce que tu dois très bien faire d'ailleurs. Bah là, du coup, je lui ai montré que c'était absolument ridicule. Voilà. Effectivement. On a négocié, je suis pas allé, j'ai pas fait le travail qu'il me demandait. Il me demandait 10 minutes de vidéo en montage. Ouais. Autant dire que c'est 50 heures de post-production, même à un prix, même pour au SMIC. 25 euros. Je n'irai pas plus loin pour pas. Mais effectivement, c'était ridicule et moi, j'ai négocié. Il demandait un délai très court aussi sur une semaine. Bloquer 50 heures sur une semaine pour faire un 10 minutes, il faut me payer cher. C'est clair. Donc j'ai négocié les délais, le format et le contenu pour que ça soit le moins chiant possible. C'est con à dire, mais pour que ça soit le moins chiant possible pour moi. Ouais. Ce qui m'a, je me suis dit, bon, allez, je tue pas trop parce que je fais pas non plus un truc. C'est ça, ouf. Déjà le compromis est quand même un peu moins violent que juste. Se faire entuber. Voilà, mais je me suis quand même fait enculer. Oh, entuber, mais moins. C'était moins douloureux, en tout cas. Ouais. Après, du coup, il y a quelque chose, moi, qui m'a aidé au moment d'assumer mes prix en photographie, en vidéo, surtout, c'est de rencontrer des gens qui étaient au-dessus de moi, qui faisaient déjà ce métier-là, qui le vendaient, et savoir à quel prix ils le vendaient. Rencontrer ces gens-là qui n'ont pas peur de dire à une boîte de facturer, voilà, ma journée coûte 2000 ou 5000 euros, et ils l'assumaient, pour eux, c'était normal. Et de me rendre compte que dans le milieu au-dessus, dans la sphère que je ne connais pas encore, ça se passe comme ça. Ça, moi, ça m'a rassuré. Et je me suis dit, si je veux adapter mon environnement pour qu'on me demande des prestations à ce prix-là, il va falloir que je commence à refuser et que je prenne que le gros pour avoir après plus de gros, comme un groupe de musique, comme un freelance, comme n'importe quoi. C'est et c'est un moment où on se pose des grosses questions Et moi, ça m'est arrivé là, en janvier, je me suis dit, ok, j'ai fait une prestation, on m'a appelé pour un remplacement, j'étais payé un certain prix, et je me suis rendu compte, ok, ce prix-là, c'est à peu près ce que ça vaut. Et je me suis dit, ah, il va peut-être falloir que j'ajuste mes prix. Et, mmh. et c'est une période de transition qui est assez dure à vivre. Ouais, bien sûr, c'est mais, sûr. Mais en même temps, elle est rassurante. On se dit, ouais, bon, bah, ça niveau, se fait comme ça. Et au niveau de ta visibilité, ça va se voir au bout d'un moment. Enfin, ça va, les gens vont se dire, ok, ce mec-là, s'il bosse à tel prix, c'est parce que ça coûte tant et parce qu'il a ouais. le talent pour. Et en effet, c'est hyper important, t'as raison, d'arriver à ce truc-là au bout d'un moment. Mais même avec un groupe de musique, tu vois. Mais nous, c'est pareil. Par exemple, on a déjà joué gratos. Aujourd'hui, on joue plus du tout gratos. Mais c'est une question de principe au bout d'un moment de dire non, là, on joue plus gratos, c'est pas possible. On a des locaux de répétition à payer, on a des enregistrements à payer, on a des salaires à faire, on a un milliard de trucs. Donc, bah voilà, on peut pas, comme toi, quand t'investis dans du matériel, comme vous, quand vous investissez dans du matériel, t'as trop de charges pour pouvoir. Faire une presta gratos, je trouve. Je sais pas. Ouais. Enfin, peut-être. Oui. Et c'est illégal de travailler bénévolement pour illégal. Un truc pour c'est lequel vrai. Tu es payé. Oui. Voilà. Donc, ouais. Je ne suis pas caméraman aujourd'hui. Ok. Comment tu l'envisages, toi, ce début de... C'est vrai que j'ai pas encore d'expérience à ce niveau-là. Si j'ai fait un projet en freelance cette année, quand j'étais à Seattle, c'était compliqué parce que du coup je bossais avec mon équipe française, donc avec le décalage horaire de 9h pour se coordonner, c'était génial. Mais bah ouais, premier devis, donc forcément tu te poses des questions. Alors ok, combien je vaux en fait, ouais. Parce qu'on le sait, je sais pas. Donc je me suis basée sur des chiffres sur internet, quoi. Et aussi parce que dans ma team, il y avait des développeurs et des designers qui avaient plus d'expérience que moi, des gens qui ont la cinquantaine d'années, qui ont toujours bossé là-dedans et qui aussi ont donné un prix assez fort. Et je me suis dit, ah oui, donc ok, j'ai au culot, j'ai donné mon prix et j'ai assumé et bon, c'est passé. Bah, tu vois, sans problème. Mais c'est vrai que c'est limite si t'as peur, quoi, comment dire, je sais pas comment oui, ça expliquer. Ça paraît impressionnant. Oui, je dis, est-ce que j'ai vraiment les compétences? Est-ce que j'ai vraiment, enfin, j'ai pas assez confiance en moi pour assumer parfois le prix. Bon, là, au culot, c'est passé, mais on verra pour les prochaines fois. Le truc de base aussi, c'est de calculer combien d'heures ça va te prendre. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que parfois, ces heures-là, c'est parfois plus, parfois moins. Donc là, du coup, j'ai été obligée de m'ajuster parce que j'ai moins travaillé que ce que j'aurais dû. Enfin, j'ai fait mon travail en moins d'heures. Donc je m'adapte, quoi, par contre. Ok. Mais l'efficacité, ça coûte cher aussi. Aussi, c'est vrai. Mais ouais, voilà. C'est toujours le problème de la confiance en soi et d'assumer ses compétences, en fait. Il y a un diagramme qui existe avec un travail rapide, un travail. Oui. Bien fait. Et l'argent aussi, le travail qui est, enfin le prix du travail. Voilà, et le prix, c'est et ça. En fait, au milieu, c'est impossible d'avoir un truc rapide, pas cher. Et, ouais, c'est ça. Oui. Voilà, c'est l'idée du truc, c'est que tu veux que ce soit bien fait, tu payes, et c'est pareil pour la rapidité. C'est ça. Après, je pense qu'il y a un autre truc aussi qu'on vit tous, c'est la peur de que la chose nous passe sous le nez. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est ça, clairement, quand on nous propose une date, si je dis c'est 500 et qu'on me dit bah non, c'est 200. Je me dis, ouais, mais ça va faire une date en moins, une presta en moins. Je pense que c'est vraiment ça. C'est cette anxiété-là de dire, oh, ça va s'arrêter. Non, c'est pas possible. Donc on fait des concessions. Surtout pour le domaine artistique, je pense, non ? Ouais. Peut-être moins ce problème-là en design, en tout cas. Mais parce qu'on on a l'impression d'être remplaçable, en fait. Oui, aussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'à notre niveau, on n'a pas encore assumé un réseau. On n'a pas encore l'impression d'avoir un réseau énorme ou de faire un truc encore hors du commun. Alors qu'en fait, on est singulier. On fait notre truc à notre manière. Mais on a peur effectivement qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre, moins cher. Ou... Ouais. Ça m'est arrivé sur un concert où j'ai donné mon prix. Bah, du coup, même, j'ai même pas assumé, j'ai donné un prix encore plus bas que ce que je fais. Et ils ont pris la stagiaire photo. Ah ouais. Mais du coup, en voyant les photos, je me dis, bah voilà, vous avez pas payé. Voilà, bah, c'était nul du coup. bien fait. Pas nul. Je assume aussi ce que tu dis. Mais c'était moins. L'œil était moins aguerri. Oui, moins... bien sûr. L'œil de qui du coup était moins aguerri? On va l'appeler Michel L. Ok. C'est la mère Michel ou pas? La mère. Non, mais le père du sucre. Voilà, ça y est. Nickel. On a fait le tour. Ok. Et t'as disliké toutes les photos avec tes 30 comptes, évidemment. Mais non, même pas. Tu peux pas disliker des photos sur Insta? Tu peux pas, non? Non, tu peux pas. Ouais, tu peux signaler. Tu peux signaler. Tu dis qu'il y a une paire de tétons qui traîne. Tu photoshop en téton, tu les upload. Enfin, bref. Je pirate le compte. Ouais, voilà. Elle s'est fait supprimer. C'est ça. Bisous. T'embrasse Michel. Et non, mais c'est une vraie question. Mais après aussi, on le voit sur la qualité quand on prend un groupe de musique qui coûte rien. Mais effectivement, c'est triste, mais il joue moins bien. Ah bah oui, bah de toute façon, c'est clair. Comme un designer, la musique, il peut faire un travail tout pété. Quand on voit une prestation, elle peut être nulle. Si, enfin bref, ça se voit. Même sans vouloir un jugement de valeur, il y a un jugement de qualité. Et enfin, moi, je le vois sur les photos, du coup. Oui. Ouais, mais de toute façon, dans l'artistique, pour nous tous, en effet, c'est pas un jugement de valeur dans le sens où des gens peuvent avoir énormément de talent, mais pas du tout se ressembler. Par contre, t'as raison, il y a un moment où le manque de technique ou le manque de qualité dans le travail se voit, je pense. Et d'expérience. Et ça, tu peux pas y couper, c'est sûr. Tu vas mettre deux photos côte à côte, tu vas faire bon, bah lui, il sait ce qu'il fait, lui, c'est pas ce qu'il fait, je pense. Ouais, à un certain niveau, à notre petit niveau, oui. Ouais. Après, quand tu montes dans des gros photographes, pour me concernant, et des gros vidéastes, des gros réalisateurs, ils ont tellement d'expérience, mais du coup, tu la vois l'expérience. Parce ouais, c'est que ça. Ils ont un truc en tête et le truc, il touche ou il touche pas. Ou et alors il défonce la gueule, il fait pile poil son truc, quoi. Moi, je regarde des photos, je me dis, oh là là, c'est hors focus, les couleurs sont dégueulasses, il y a du grain et tout, mais c'est magnifique. Ouais. C'est, le gars, il a fait un truc qui est monstrueux. Ah, j'ai croisé un photographe là, il avait un filtre qui brouillait un peu déjà la photo, et en plus il a rajouté de la bave sur son truc. Il a fait un truc génial. Ça a l'air génial, ouais, effectivement. Le rendu est incroyable. Ça donne envie. Ça ressemble à un truc bien connu comme ça. Mais c'est vrai, il a fait un truc. Tu regardes le gars, tu dis mais qu'est-ce qu'il branle, qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, la photo elle défonce. Et ouais. Et un autre que j'ai rencontré, il a même pas de sac photo, il l'a en bandoulière son appareil photo, fait sa mise au point à la main. Il est passé à un autre level. Il fait un truc de ouf parce qu'effectivement, il a accumulé une expérience qui lui permet de faire son art jusqu'au bout. Et de le dépasser même. Ah, mais il se pose plus la question de... Ouais. T'as pas les sous pour me payer ? Salut. Ouais. Il est passé à un autre niveau. Il réfléchit plus à l'argent, en fait. Mmh. Il réfléchit à ce qu'il veut faire. Mais c'est dur de rester dans ce truc-là, de réfléchir à l'argent, parce qu'au final, j'en ai pas envie. Je pense que personne n'en a envie autour de cette table. Non. Et n'empêche qu'on est obligé d'y penser. Tout le temps. Alors qu'on n'a pas envie. Moi, j'ai qu'une envie et je le dis souvent aux gars. Je leur dis, je passe trop de temps à booker des concerts par rapport au temps de création. Bien et sûr. En même temps, on a besoin des temps de concert pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir créer. Et c'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant. Et je pense que tu vas peut-être basculer là-dessus après, mais d'où l'intérêt de trouver des gens qui nous entourent, des managers, des tourneurs, des agents, pour faire ça bien, en fait. Ouais. Et du coup, on a une... Bon, ok, on a relancé la caméra entre-temps, je suis perdu. Non. Non, pas du tout. Non. On n'a pas encore le budget pour les enregistreurs. Envoyez la thune. C'était un message subliminal. Du coup, on a une expérience, nous, dans ce domaine, c'est qu'on s'est focalisé sur un projet pendant un an de faire des courts-métrages toutes les semaines, on en parlait tout à l'heure. Speedwatching. Wow. Yes, et on s'est concentré tellement sur la création et sur la production au sens organisation, qu'à aucun moment, on a géré la communication. Et ce projet n'a pas explosé, parce que du coup, on était tout le temps dans ce truc. Bon, on s'est fait marrer, on a acquis énormément d'expérience à faire tout ce qu'on a fait, mais à aucun moment, on a pensé justement ce truc-là, de faire la communication. Quel est le boulot de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Et quand on lance des projets, quels qu'ils soient, en fait, on fait tous les postes, on se vend, on fait sa communication, on fait son travail, on fait sa création, on fait l'aspect pécunier, on fait de l'argent. Et en fait, on assume tous les postes. Et effectivement, la solution, c'est aussi de trouver quelqu'un qui gère ça. À terme, c'est sûr. T'as pas le choix, je pense. T'as pas le choix. Ou alors, tu travailles vraiment comme un gros porc en indépendant. Dans le vide, quoi. Parce et que c'est un petit porc, en fait. Ça, personne ne voit ton taf après. Donc, c'est ça n'a pas de sens. Ma question d'efficacité, c'est pas le meilleur. Ouais. Non. Et du coup, le temps que tu prends pour ces trucs-là qui sont invisibles, tu le prends pas pour créer. Du coup, tu crées moins. Voilà. Mais moi, j'allais remonter encore plus loin. En fait, on a eu ces problèmes-là quand on a fait de la photo d'art il y a 3 ans. Ouais. C'était le gros problème de se vendre, parce que l'art, c'est des prix exorbitants. Ouais. En plus, c'était de l'abstrait qu'on faisait, donc c'est encore pire. C'est vraiment le point de vue des personnes, quoi. Et la communication aussi, ça a été un gros problème. C'est vrai qu'on a lancé ce projet-là, donc on a fait de la photo tous les deux en créa. Mmh. Et bah, du coup, on avait même pris des noms autres que nos noms à nous, parce qu'on n'avait pas le même réseau. On avait des blazes. On avait des gros blazes de sa mère. Ouais. Et ce problème de toucher un réseau qui n'était pas le nôtre, du coup, ça n'a rien donné. On a des œuvres d'art, il y a des très belles pièces. Ils coûtent 50 000 balles, mais... Fier, hein. Ouais. 50 000 balles, pas encore, mais on avait une prestation, on a déposé un concept de photo de voiture assez particulier. Oui. On l'a calculé, parce que du coup, il y a un moment où on pouvait faire la photo, un moment selon la météo, selon le soleil, la lune, tout ça. Il y a un moment, il fallait tout calculer, il fallait de l'organisation, il fallait du repérage, il fallait plein de choses. Et plus la création de l'œuvre à la fin, on a calculé tout le prix et c'était... Enfin, du coup, c'était un prix qui nous paraissait incroyable, parce que c'était en dehors de ce qu'on connaissait. Ouais. Et du coup, je pense qu'on l'a assumé une fois, ce prix, quand on nous a demandé. et ça a été refusé. Bon, bah, parce que voilà, c'était trop cher. Ça a été négocié ? Non, il n'y a pas eu recherche de négociation. Okay. C'était vraiment, ils ne s'attendaient pas à un prix aussi. D'accord. Après, ah ouais, ils sont fait souffler par le prix, en fait, ils ont dit. Ouais, bah après, la photo est tellement compliquée à réaliser, on va dire, que le moment est tellement spécial à choper, tellement d'organisation derrière que c'était quasiment, je sais pas, un mois de taf pour une photo, ouais, en fait, d'accord. À deux. Donc, t'imagines le prix directement. Pour une photo. Une photo. Ah oui. Oui. Une photo après tirée en physique, exemplaire unique. Donc là, déjà, tu quintuples le prix. Okay. Oui. C'est en photographie, plus, moins, bah, quoi que ce soit. D'ailleurs, moins tu as d'exemplaires, une édition limitée de CD, moins tu as d'exemplaires, plus ça vaut cher. Mmh. Et oui, tout ce qui est rare est cher. Voilà. Tout ce qui est loire est cher aussi. Yes. Merci. Oh, serait... bonne, celle-là. Il a tué le game là. Oh putain. Ah, j'aime bien. Niveau de la vanne. Oh. Mais. Elle est pas de moi. Hein. Je suis pas au niveau, moi, les gars. T'aurais dû me prévenir. T'inquiète. Je me serais entraîné avant. J'ai des antisèches sur mon téléphone. J'ai regardé. Ah, mais c'est de la triche. Rare et cher, je l'avais. Elle est là. Check. Suivante. Est-ce que vous avez eu, du coup, dans tous les métiers, du coup, cette confrontation aussi aux collègues avec, moi, ce qui me touche en ce moment, c'est les gens qui mesurent leur tub. Qui vont dans un conflit, par exemple, rentrer dans une négociation. Je n'avais pas compris vraiment la phrase, mais ouais, okay. Non, plus, je n'avais pas compris. Bah, qui vont rentrer dans des négociations et qui vont discréditer ce que tu fais parce qu'ils ont fait plus, qu'ils ont l'impression de faire plus, d'être plus haut, etc. Est-ce que vous êtes déjà confronté avec des gens qui font votre taf ? Peut-être le même, peut-être mieux, peut-être moins bien. La question, elle n'est pas là, mais c'est juste qu'à un moment, il y a une animosité dans l'échange qui fait qu'ils cherchent à vous descendre, en fait. Moi non. Volontairement, tu veux dire, ou pour le bien du projet? Parce qu'ils sont. Ou pour son bien à lui, pour son propre intérêt. Ah, pour son bien à lui, bien sûr. Ah ouais, non, moi, moi non plus, pas encore. Non, parce que les animosités, oui, il y en a souvent, parce qu'en design, on travaille toujours par équipe. Ouais. On est au moins 3-4 sur les projets, donc forcément, au bout d'un moment, ça chauffe. Chacun défend son morceau, et puis en même temps, c'est bien parce que ça fait naître un débat et ça permet de pousser plus loin les projets, mais après, c'est vraiment pour le bien du. Ça devient pas mal. Du travail, c'est pas pour descendre l'un ou l'autre. Non, on est là pour se porter tous ensemble. Donc, non, pour l'instant, j'ai pas eu ce cas-là. Déçu. J'ai pas eu ce problème non plus. Donc il y a après, que contre toi que les gens s'énervent en fait. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est vrai que t'es une personne plutôt directe et peut-être que les gens ont plus de facilité à être direct avec quelqu'un de direct. Ouais, je sais pas. Peut-être. Après, moi, je suis un bisounours, j'aime tout le monde. Clairement. Sauf tes chats. Et puis souvent. C'est gros con, si je les adore. Non, mais souvent c'est des choses qui se disent dans le dos. Je sais pas. Quand il y a des conflits, je sais pas, moi, j'ai jamais eu de conflit. Hein. Je suis un bisounours. Amen. Insultez-le, il dira rien, c'est vraiment vrai. Ben non, mais moi je donne jamais la satisfaction à l'autre d'avoir raison ou d'avoir le dessus, je sais pas. Du coup, t'es pas frustré des fois parce que t'as pas. Non, j'ai jamais de frustration. Si j'ai des frustrations, c'est que je m'énerve pour de vrai. Mais genre là, t'es énervé par exemple. Ah oui, là, il est à fond là. Alors là, je suis vénère. Là, il y a deux doigts de te décapiter. C'est vrai que t'as pas l'air trop méchant. T'as l'air gentil comme gars. Mais vrai que j'ai peut-être un côté un peu perfectionniste dans certains moments, et les moments où j'ai eu justement cette confrontation avec des gens du même milieu que moi, enfin on faisait le même taf à ce moment-là par exemple, il y a eu rapidement un dialogue qui s'est inséré un peu malsain en mode « je suis meilleur que toi ». Oui, bon, mais via les prix et via ce que ça coûte. Et via l'expérience sur place, moi ce que je... C'est quoi l'expérience? Allez, on va aller directement sur l'anecdote. C'est quoi l'expérience? Vas-y, qui? Je passais directement. Il y avait un régisseur de salle à Nantes, un petit café-concert au Hangar Banane. Pas bien, pas le ferrailleur. Ah ok, comme je les connais, c'est des crèmes. Big up. Ah oui, ferrailleur, gros bisous, on les kiffe. Ouais, ouais. Mais les autres. Donc c'était, ok. Bon, ça m'est arrivé, en fait, je sonorisais un concert dans une des salles. Donc concert avec vraiment une sonorisation, une table, un système de retour. Mm-hmm. Un vrai concert, pas du CAF-Cons. Le régisseur s'est barré pendant le concert. Donc le mec qui accueille, qui est censé superviser toute la sécurité matérielle, le bon déroulement, tout ça, se casse. Va boire des coups dans le bar d'à côté. Okay. Je balancerai pas parce que bon, allez, on va lui faire garder son métier. Et au moment du changement de plateau, on change de groupe. C'est lui qui sait où sont positionnés tous les micros qu'on doit déplacer, tout ça. C'est lui qui a toute l'architecture de la soirée dans sa tête, normalement. Et au moment de changer, je ne trouve personne. Je ne trouve pas le régisseur. Je cherche partout, je demande au barman, personne ne sait où il est. Pourtant, le barman, il devrait savoir. puisqu'il est en train de boire des coups. Mais oui, mais c'était le bar d'à côté. Avec le régisseur. Et donc, on trouve, on réussit à quand même retrouver tous les micros, machin, remettre la en galère. Place. Ouais, la galère. Galère. Okay. Le spectacle recommence. Le temps de changement de plateau fini. Le gars vient me voir pendant que je bosse après pour me dire désolé, j'étais à côté. Et je lui ai dit effectivement, c'est intolérable pour un régisseur. Okay. T'es payé pour être là, tu devrais être là. Moi j'étais là, j'étais pas payé par exemple. T'avais 12 ans à l'époque, c'est ça? Et non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah bah du coup, oui, 12 ans, pardon. Bah oui, c'est impeccable. C'est important de s'en rappeler. Et je lui ai fait effectivement cette remarque de tu devrais être à ta place et bosser okay. en fait. Il a dit quoi? Il m'a dit non, mais tu comprends. Et là, mesurage de tub. J'ai fait des concerts dans toute la France, d'accord, j'ai okay. fait plein de trucs. Ah, c'est ce truc-là dont c'est tu parles. C'est ce mesurage okay, de table. Donc moi qui me fais rire parce que j'avais rien à lui répondre, en mode juste, bah alors fais ton taf si t'as de l'expérience. Ouais, bien sûr, ouais. Et je me suis confronté du coup à quelqu'un qui faisait mal son travail. Mmh. Et en même temps, de par son expérience. Bah je sais pas, enfin, mais du coup il le prend comme une excuse. Ego. Ouais, bah ouais, c'est une question d'ego effectivement. Moi, ah, ça me fait rire du coup quand on part sur ce mesurage si, de table. Si, effectivement, j'ai déjà eu un problème. Si, bah c'était une nana. Comme par hasard. Ouais. je dis ça, je dis rien. Non, on rigole. C'était Sean Connery, hein. En fait, c'était une nana qui je sais plus c'est quoi exactement la situation, mais en gros, elle m'avait dit, oui, Elliot, j'ai dû faire ça à ta place. C'est pas normal. Normalement, ça devrait être toi de faire ça. Je sais plus ce que c'est. Hein. Et je me rappelle lui avoir dit. Bah oui, mais enfin, on bosse pour la même entreprise. Hein. Enfin, je veux dire, ça va pas te tuer de c'était, je crois que c'était réceptionner un colis. Juste, le un mec colis. Vient, d'accord. met un colis, se barre. Voilà, c'est juste ça. Hein. Donc, elle me dit oui, mais attends, ça fait 15 ans que je fais mon travail. Enfin, voilà. tu vas pas commencer. Bah moi, j'ai tout simplement répondu, ça se trouve, ça fait 15 ans que tu fais de la merde. Voilà. Oh, je suis pas violent. Non, mais je me suis pas énervé ni rien. Et j'ai juste dit ça, et puis elle a dit des trucs derrière. J'ai même pas écouté, en fait. J'ai même pas écouté, en fait. Je me suis cassé. Très bonne imitation de la femme en colère, j'adore. En fait, c'était plus la femme en colère. Je m'y reconnais totalement. Non, mais okay. Ouais, non, je suis pas rentré dans le conflit, quoi. J'ai dit mon truc, ce que je pensais, puis j'avais plus rien à dire, et puis j'ai pas écouté. Mais c'est la meilleure solution. Parce que eux, ils sortent de leur zone de confiance. Enfin, ils sortent, ça y est, ils sont à fleur de peau, ils sont en train de te dire oui, moi, je. Ils ont besoin de se justifier. Ah oui, bah. Là, le meilleur moyen, en fait, c'est effectivement de rester serein, se maîtriser et juste dire, bah voilà, effectivement, ta réponse était genre parfaite. Ouais, je pense. Mais il y a un truc de. C'est sûr, ça fait longtemps qu'ils sont là, ces mecs-là ou ces nanas-là. Et donc ils, tu vois, dès que tu leur rentres dans le chou, alors que t'as 20 ans, 18 ans, 19 ans, ça les saoule. Oui. Et je crois que je peux comprendre un tout petit peu ce truc-là. De dire, il y a un mec qui arrive, je sais pas qui c'est, il a 17 piges, il me casse déjà les couilles. Je comprends aussi. Tu vois, et en même t'as temps, un truc quand même de... Et en même temps, on sait jamais face à qui on se retrouve. On sait jamais. Et ça se trouve, oui. Le mec de 17 ans, dans 3 ans, c'est un gros tueur. Ouais. Ou ça se trouve, le mec de 17 ans, il est juste nul. Tu vois, mais aussi. Ça se trouve, c'est déjà un gros tueur. Ça se trouve, c'est déjà un gros tueur. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas le savoir quand tu... Ça se trouve, la veille, j'avais sonorisé au Zénith un groupe de ouf. Enfin, il y a toujours ce truc-là. Ah, t'as sonorisé un groupe de ouf ? Non, pas encore. C'est ça. Je sais pas si j'ai encore. Non, mais j'aurais pu. Non, mais il y a ce truc-là aussi de... Mais on ne sait pas qui arrive face à toi. Moi, j'ai toujours... Ouais. Du coup, maintenant, j'ai cette... je sais pas, cette réflexion de me dire je vais pas le traiter comme de la merde parce que je sais pas ce qu'il peut m'apporter en fait. Ça se trouve il fait même mal son travail mais il va m'apporter plein de taf derrière où on va être super potes ou il va me faire comprendre telle chose. Et c'est, du coup dans ces moments-là on se bloque aussi aux gens qui peuvent nous élever et je trouve ça juste cassant dans tous les sens en fait. Ouais. Je trouve ça dommage. Ouais, ouais, c'est ouais. Vrai. Du c'est coup vrai. Là, moi je me demandais si ça pouvait arriver aussi entre camarades dans un projet. Camarade, défonçons cette porte. Non, je sais pas. Non, franchement, j'ai un bon groupe. Je sais pas. Non, j'ai rien à dire sur eux. Non, ça se passe bien. Non, franchement, j'ai rien à dire. Pour l'instant. Attends, on en reparle du coup. Ouais, dans un an et demi, je suis dans la vie active, je t'en parlerai. Mais ça se gère, je pense. Ça se gère, oui, ça se gère à partir du moment où tu t'es à peu près équilibré comme personne. Ouais, bien sûr. Hein après, aussi... n'est-ce pas? Parce que là, en fait, c'est une thérapie. Alimenter... Il y a alimenté aussi le débat. Toi, tu l'as lancé ce que tu voulais à la gueule et tu t'es barré. Tu l'as mis les choses en face. J'avais plus rien à dire et plus rien à entendre. Et tu t'es barré. Mais t'aurais pu rester une demi-heure face à cette personne pour argumenter. Oui. Mais à quoi bon? Je mais sais pas. À rien, juste perdre du temps. À perte d'énergie. Mais oui, mais ça m'est arrivé en photo parce que j'ai pris une photo dans la rue. Oui. J'ai raconté tous mes trucs. Vas-y, en fait. Vas-y. J'ai pris une photo dans la rue d'une voiture devant une maison parce que je trouvais ça joli. Tout simplement, c'est la seule raison. Et la personne est sortie de sa maison, lui a dit « Oui, excusez-moi, vous avez pris ma photo en voiture, ma voiture en photo, pardon, ma fourche à languer. » et je lui dis « Bah oui, est-ce que vous voulez voir ?» Et puis je la supprime si ça vous dérange. Je lui ai proposé directement, ce qui est normal, alors que j'ai le droit d'avoir cette photo-là. Et ça s'est suivi un quart d'heure, s'en est suivi, un quart d'heure de débat sur « Moi, je bosse dans la com, je connais, j'ai des marques déposées avec mon mari, vous n'avez pas le droit, etc. » Bon, elle était en tort parce que j'avais le droit à la voiture. L'image de la voiture ne lui appartient pas. Bam. Et, mais il y a eu un quart d'heure de débat sans fin, en fait. Alors qu'elle aurait juste pu te dire « pas de souci ». Et plusieurs fois dans la discussion, je lui ai dit « Je la supprime si vous voulez ». Elle fait « C'est pas la question, machin ». Elle avait juste envie de se prendre la tête. Oui, c'est ça. C'est et au ça. Bout d'un quart d'heure, « Oui, je préfère que vous la supprimiez ». D'accord. Et je fais « Bah voilà, claque, je me suis supprimé, je me suis barré ». Bon, j'avais la photo en double parce que ça enregistre sur deux cartes. Il est malin. Ah, j'attendais parce celle-là. Il est malin. Parce que je voulais quand même la traiter parce que j'étais content de ma photo. Hein, si la marque Nissan attaquez-moi. Faut en dire d'autres derrière. Faut qu'elle nous file de la thune sinon. Peugeot, Renault. Il y a quoi Volkswagen, il y a de la thune. Toyota. Suzuki. BMW. Font des bagnoles, c'est Toyota, ouais. C'est bon, on est démonétisé là. On peut y aller. Bon, tu peux y aller. Voilà, mais ce truc-là, en fait, je me demande quel est le but, à part un peu faire chier, occuper sa journée. C'est des gens qui se font chier, en fait. Hein. Moi, je n'ai pas le temps de m'en mettre. Là, pour moi, ça renvoie carrément à la personnalité des gens, au-delà du fait qu'ils fassent un truc artistique ou pas. C'est juste. Il y a des gens qui sont comme ça et ils ne sont pas intéressants à côtoyer dans le pro. Et du coup, c'est juste relou. Et je sais pas. Toi, je pense que tu es du genre, pour te connaître un peu, tu es du genre à prendre en frontal ces trucs-là parce que ça t'énerve et ça t'agace. Ouais. Moi, je laisse couler de ouf. Je laisse tout couler parce qu'en fait, je me dis c'est une perte de temps. Et de deux. Voilà. Non, mais c'est une perte de temps. Et au final, tu sais d'avance que la personne contre qui tu as ce genre de discours ne changera pas d'avis. Puisqu'elle est formatée comme ça. Tu sais déjà qu'elle arrive avec son gros bloc de béton. Donc, partant de là, je me dis, tu sais quoi ? Ok, t'as raison. On n'a pas de temps à perdre avec ces trucs-là. Ouais. Bon, je pense. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir essayé sur cette nana en lui proposant de supprimer depuis le début la photo. Oui, et voilà, c'est ça. Non, mais t'as été trop cool et tout. Et j'ai moi, j'aurais été moins cool, tu vois. C'est marrant parce que j'aurais été moins cool, mais par contre, j'aurais laissé couler. Ouais. C'est-à-dire, j'aurais. Oh là, bonsoir. J'aurais juste dit. Je pense que ça m'aurait vite gavé. Par contre, je pense qu'il faut mieux laisser couler. Oui, Johan, c'est important pour ta santé mentale. Pour ta santé. Mais ça arrive. Ouais. Mais j'aurais dû me barrer. Mais j'aurais donné mon appareil photo, je serais parti. Ouais, c'est ça. Putain, elle a gagné un appareil photo. Après, j'aurais porté plainte. Elle m'a volé mon appareil photo. C'est ça. J'avais le droit. Mais ouais, ça arrive. Bah, pour le coup, pour répondre à ta question que tu m'as pas posée, mais non, mais si, tu l'as posée à tout le monde, du coup, j'y réponds. Mais en fait, moi, je suis pas confronté à ça parce que pour moi, c'est des trucs entre pros plus dans le sens où ça va plutôt être les tourneurs qui vont avoir ces mesurages de sexe, tu vois. Ouais. Genre de dire, moi, j'ai tel groupe, je le vends tant. Ah ouais, mais moi, j'ai un tel, je le vends tant. Quand tu vas sur des fêtes, t'as toutes les grilles de tarifs et tout. Et en fait, nous, en tant que groupe, on se retrouve comme des gamins dans une classe, en fait, et on est juste en train de se dire, bah, ah, toi, tu fais ça comme musique, ok, cool, bah, moi, je fais ça. Il n'y a pas trop de dimension financière au moment où on est sur le concert. Ouais, ça, c'est cool. À la limite, la comparaison, c'est plus d'arriver devant un concert et de se dire, oh putain, ils sont en train de mettre une grosse branlée là. Donc nous, on a intérêt très fort, tu vois. C'est une bonne motivation. Mais ça c'est la bonne motivation. C'est la bonne motivation. Des fois, ça peut faire déprimer. Des fois, tu te dis, putain, il y a tel groupe qui a signé chez un tourneur. Putain, il y a tel groupe qui a signé chez un tourneur. Et après, il faut rester suffisamment solide pour se dire, bah ouais, mais moi, ça va arriver, tu vois, ou des trucs comme ça. Enfin, là, je suis en train de m'ouvrir à vous. Non, mais ouais. Ne retiens pas tes larmes. Amel Bent. C'est une chanson, putain, yes. C'est gagné. T'es chanteur, non? Ouais, mais là, c'est haut et j'ai soif. Et j'ai trop pleuré. C'est haut et j'ai soif, c'était beau comme jeu de mots. C'est haut et j'ai soif. Bah, boire de l'eau. Oui, bah oui. Voilà. J'avais dit qu'on coupait rien, hein. On va peut-être en couper certaines. Non, quand même. Tu devrais mettre un petit son comme ça sur lequel on peut appuyer quand il y a une mauvaise blague. Ça pourrait être intéressant. C'est dans les suivants. C'est en cours. On va avoir un petit pad de lancement de son. On aurait aimé que tu nous invites à ce moment-là. Ouais. mais revenez. On les fast test en fait. Je suis friand de gens cool. Ok, cool. J'avais une autre petite question pour finir un peu sur toute cette voie professionnelle. À quel moment vous avez eu envie ou alors peut-être que ça n'a jamais été le cas, de faire ce que vous faites aujourd'hui. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je veux danser, tiens, je veux faire de la zik, tiens, peut-être que je peux le faire comme ça, peut-être que je peux passer par ici. Comment ça vous est venu du début sur toutes les passions que vous avez eues Passion ou métier? Mais les deux. Les deux. Parce que tu veux faire, t'aimerais bien que les deux te rémunèrent. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, comment dire. Quand j'étais au lycée, je m'intéressais déjà à tout ce qui était artistique. J'ai fait de l'art plastique, des choses comme ça. Après, c'est vrai que j'ai fait un bac S, donc encore mes parents m'ont poussé à faire quelque chose plutôt dans le médical. Donc j'ai fait 2 ans d'ostéopathie avant de faire du design. Et j'étais plutôt douée en plus, mais je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, en fait. Me retrouver dans un cabinet, à traiter les mêmes patients. En plus, je ne suis pas grande, donc physiquement, c'était compliqué aussi, puisque je ne pouvais pas traiter des mecs de 90 kilos en poids. Oui. Voilà. Donc les basketteurs, c'était foutu. Basketteurs, c'était foutu. Mec, en plus... Merde, parce qu'en plus, c'est mon type de mec, donc je ne pouvais même pas draguer mes patients. Et on m'a dit... voilà, si vous vous reconnaissez. Non, mais... et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Tu m'as perdue. Mais par contre, j'avais jamais pensé à ça. Donc, en fait, tu savais en arrivant que ça allait être compliqué de manipuler tout le monde. Oui et non, parce qu'on m'a dit t'inquiète pas, il y a la pédiatrie aussi. Sauf que moi, j'aime pas trop les enfants. non, si j'aime bien les enfants, yes, j'aime bien les enfants, mais j'avais pas envie de faire. En fait, non, c'est que j'avais pas envie de faire que ça. Comme j'ai dit, j'aime bien toucher à tout, donc je voulais pas me contraindre au pied, à faire. Au dos, voilà. Ouais. Et non, je me voyais pas faire ça en fait tous les jours de ma vie. Et du coup, j'avais déjà pensé au design avant. Et ça m'est revenu comme ça, mes premiers amours. Et qu'est-ce qui se passe là, tu le déclipses. Il faut... Oh là là, tu m'interromps. Oh là là. Je suis désolé. Faire ouais, son je t'interromps pour faire n'importe quoi. Vache. Je suis désolé, excuse-moi, pardonne-moi. Là, je suis encore coupée, c'est pas possible. Pardon. Et puis, voilà. J'ai appris, j'ai arrêté l'ostéopathie et je me suis lancée dans le design. Ok. T'avais une vanne là. Elle est passée inaperçue. Elle est en. Coupé, décalé, t'aurais pas choisi. Yes. Ok, donc c'était pas une. L'ostéopathie, c'était pas une passion de base, c'était. J'ai toujours été intéressée par la médecine, mais c'était pas ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le design, c'est que même si le processus il est le même tout le temps, bah, y a un jour où je peux travailler pour une compagnie aérienne, le lendemain, je travaille pour faire de l'artistique. Ensuite, je vais bosser pour, je sais pas, tout et n'importe quoi, en fait. Et du coup, tu découvres des domaines aussi, enfin, tout le temps. Et c'est chouette. C'est jamais deux fois la même chose. Non, jamais. Mais je pense que de toute façon, t'aurais pas pu faire autrement, je pense. De ce que j'entends. Enfin, parce que t'as des gens qui sont peut-être passionnés de médecine qui vont dire ouais, mais tu vois des patients différents tous les jours. T'as des dos poilus, t'as des dos. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est le pire. T'as commencé par le pire. Non, mais je pense que dans ton cas, c'est intéressant à entendre parce que ça sent que t'avais envie de faire quelque chose d'artistique. Ouais, je pense. Tu vois, au fond, ouais. Sans te l'avouer au début. Sans, non. Je pense que moi, c'était pareil. Je me l'avouais pas à la fac. Je faisais ça pour faire mes parents. Oui, tu étais parti pour faire du droit, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, hein. Mais c'est exactement comme toi. C'est un gros voilage de face, là. Ouais, exactement, c'est trop ça. Et c'est pour ça que je me retrouve dans ce que tu dis, c'est que, pareil, je me disais, oh, le droit, c'est cool, parce que mes parents m'avaient dit, ce serait bien que tu sois médecin, avocat, machin. Il y a tout ce que ça renvoie aux autres aussi. Donc, quand j'ai arrêté l'ostéopathie, ma grand-mère m'a dit, ah, mais non, c'est quand même moins bien, parce que tu vas faire des dessins maintenant. C'est ça. Oui, des dessins. Ça, on va colorier. Donc, voilà, quoi. Du coup, le design, ça t'est arrivé pendant l'ostéopathie, ou c'était juste, tu t'es dit, tiens, je peux allier tout ce que j'ai aimé en art plastique, etc., dans ce métier-là? Ça t'est arrivé à quel moment, le moment où tu t'es dit, tiens, je peux faire ça? En fait, j'avais déjà visité cette école avant même d'avoir choisi l'ostéopathie. Sauf qu'après, ça m'était passé. Enfin, j'avais... Ouais. Voilà. Et il y a un moment où j'ai bloqué en ostéopathie. J'ai dit, c'est bon, j'arrête en cours d'année. Et maintenant, je me mets à rechercher quelque chose que je veux vraiment faire. Et direct, j'ai pensé au design, je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai postulé un peu partout. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, du coup, 20 ans. 20 ans, ok. 21, peut-être. Okay. Ouais. Comme quoi on peut toujours changer de... Oui, il faut, et je regrette pas, parce que c'est vrai que du coup, je suis plus partie de ma 7e année d'études sup, et au bout d'un moment, t'en as marre, t'as envie de gagner des sous, mais je regrette pas, parce que... Ça fait 7 ans, là, déjà ? Bah oui, deux années, plus après 5 ans de master. C'est 7 fois plus que les miennes. C'est ça. Par exemple, je sais qu'avec Elliot, on a eu un fonctionnement un peu similaire là-dessus, où on a découvert des projets un peu tard, et on s'est passionné par des choses au cours, en fait, de notre évolution. Oui, ça aussi. Je sais pas comment toi, tu l'as perçu. Du coup, moi, professionnellement, je travaille à Tipiac. Comment je suis arrivé là? Pirate. Oh non, voilà. Je voulais le faire. J'allais fermer ma gueule, mais attends. Ils ont volé votre recette, non? Ils ont pas volé la recette. Ah, pardon, oui. Ouais, bah ouais, du coup, oui. Ah, bah, comme ça, on fait la vanne à fond. Puis ils ont mis les voiles. Ouais, c'est ça. Du coup, on peut envoyer la pub. Allez, publicité. Et du coup, en fait, je suis arrivé là par hasard parce que j'ai obtenu un DUT génie mécanique et ingénierie design. Le problème, c'est que ça me plaisait pas. En fait, j'ai un peu fait des études pour ma maman, un peu comme toi. Ah, mais c'est beau, mais on aime trop nos parents, en fait. Parce que moi, à la base, après le collège, je voulais faire du littéraire. En fait, j'adorais écrire, j'adorais raconter des trucs. Mais ma mère m'a dit, Moi, c'est ce que j'ai fait, mon fils. J'ai fait prof de français et j'ai complètement arrêté. Et maintenant, il travaille dans la micro-mécanique pour le spatial. Ça, c'est classe quand même. Complètement ouais. Changé, ah ouais, cool, de, complètement changé cool. De voix. Et elle m'a dit, vraiment, littérature, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de débouché, il faut que tu fasses des trucs plus scientifiques. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon DUT. Okay. Et au final, je suis sorti de mon DUT et je me suis dit, mais je n'ai pas envie de faire ça. Et moi, je suis du genre, quand j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. J'arrête, je fais autre chose, je fais ce qui me plaît. Je vous le confirme. mais c'est bien, c'est super, autres. Tu te respectes en faisant ça, c'est ouais, génial. C'est cool. Ouais. Et du coup, bah, je bossais à Chrono Drive en temps partiel. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est pas prise de tête comme job. Comme ça, je peux me prendre la tête pour autre chose, pour quelque chose que j'aime. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Du coup, je travaille à Tipiac, j'ai un boulot hyper simple, c'est vraiment pas prise de tête. Et je peux me prendre la tête pour les trucs que j'aime. Et du coup, comment je suis arrivé à faire de la vidéo avec Speedwatching, avec Shane Connery, c'est que, comme je disais, j'adorais écrire. Quand j'étais petit, je dessinais des bandes dessinées. Je faisais des bandes dessinées. J'avais essayé de faire des jeux vidéo, c'est hyper compliqué. Ouais, elle le confirme. J'en ai fait quelques-uns avec des outils à la con, mais ça ressemble à rien. Du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a m'apporté l'écriture. Du coup, j'ai écrit un livre. J'ai tout perdu avec mon Windows 95. Oh non. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai toujours un livre en cours d'écriture parce que j'adore écrire, même si c'est que pour moi. Et puis un jour, je suis tombé sur des vidéos, sur des Cypriens, sur des trucs comme ça, et je me suis dit, mais c'est génial comme blague, j'adore, c'est trop bien. Et moi qui adore écrire, putain, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'écrire des blagues et de les faire visuellement, c'est génial, ça l'a porté tout le monde. Et voilà, c'est comme trop ça, bien. J'ai trouvé mon groupe de vidéos. C'est vrai que t'as monté un groupe de vidéos, c'est énorme, c'est comme en musique. C'est exactement ça, hein. Tu verras le fonctionnement d'un collectif de création, c'est du ça. Coup, vidéo, c'est pareil. Ouais, moi j'ai pas de c'est référence. C'est la même bataille d'ego, c'est les mêmes splittages à la fin, c'est exactement les mêmes pareil. Splittages. T'es un nihiliste, un truc de malade. C'est pareil. T'es pas obligé de splitter, hein. Regarde Metallica, ils jouent encore. Hein. Non, mais quand ça split et les batailles d'ego et les visions différentes, etc., c'est comme un groupe de musique, c'est de la création. Ouais, c'est, ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est moi, quand Speedwatching s'est arrêté là, je l'ai vécu comme un groupe de musique. Bah, mieux du coup, avec l'expérience, etc. Mais il y a des groupes qui split vénère et qui se prennent la tête. C'est n'importe quoi, il y a des mecs qui ont 25 groupes dans leur vie. Ah oui. Qui split au bout de 2 ans, qui remontent, qui split parce qu'il y a un truc où en fait, je pense qu'eux, ils ont un problème à garder des groupes pendant longtemps, ou alors ils n'ont pas envie. Après, ça dépend aussi le. Ou ils n'ont pas envie, ou ils n'ont pas. On n'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui interagissent avec nous, il faut que ça fonctionne. C'est sûr. C'est comme un couple, mais à c'est 4. Sûr. Après, si tu fais 20 groupes en 20 ans, peut-être, je sais pas. Ouais. Bonsoir. Bah, au moins, ils persévèrent. ouais, non, mais c'est clair. Avec d'autres projets. Mais c'est vrai que du coup, toutes ces passions-là, on les a trouvées petit à petit. Et en fait, moi, j'avais jamais imaginé de faire la photo, mais même quand j'avais 20 ans, je savais pas que je voulais faire de la photo, par exemple. Je savais pas ça. Je fête mes 4 ans de photo aujourd'hui. Grâce à Facebook, j'ai vu que ça faisait 4 ans que je faisais de la photographie. Trop bien. En mode, je réfléchis un peu à ce que je fais. Enfin, je réfléchis quand j'appuie sur le bouton. Ouais. Voilà. Mais tu vois, un an avant ça, ou même 6 mois avant ça, j'aurais jamais imaginé. D'où ma question un peu, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ce truc-là parce que j'ai envie d'en bouffer, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'épanouir. Moi, je vois qu'en fait, effectivement, on n'avait jamais imaginé faire un vlog ou quoi que ce soit avec Elliot, ou même cette émission-là. Il y a 6 mois. Ouais. Et que finalement, la passion, on a la chance du coup, on n'a pas de contrainte d'argent à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est qu'on peut faire des trucs qu'on veut quand on veut, on a juste à les mettre en place. Et c'est que du coup, on se laisse vachement guider là-dessus et c'est un fonctionnement, je pense, assez sain et qui est dur à faire professionnellement aussi. Bah, c'est la bascule qui est dure en fait. Ouais. C'est de réussir à en vivre, je pense. Oui, je sais pas. J'en sais rien. Tu nous le diras dans un an et demi. Voilà, t'as dit, c'est ça. Un an et demi. On sera dans les locaux de Télé Nantes. Ce sera peut-être à Paris, on verra. Et toi, Lucas, à quel moment tu as eu envie de faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça arrive d'un coup? Je sais. L'envie. L'idée. D'avoir envie. Ça, c'est sûr, c'était. T'as trop donné. Yes. C'est sûr, c'était il y a longtemps. Ça, c'est sûr. Quand j'ai monté mon premier groupe, Feather Inc., avec des potes au lycée, depuis ce moment-là, je me vois faire ça. Après, il y a l'envie, c'est-à-dire le truc de se regarder devant la glace et de faire putain. Tu sais, genre je fais du air guitare et je kiffe trop, j'ai trop envie de juste faire de la musique. Il y a le truc de concrétiser en fait, de se dire ah putain mais attends, ça en fait je peux en vivre, Genre, j'ai commencé à faire ça pour me marrer et finalement je vois qu'on fait des concerts et qu'on en fait beaucoup et qu'on peut peut-être en vivre et qu'on peut peut-être sortir des albums et enchaîner les tournées et sortir des albums, ce qui n'est pas encore le cas, hein, je te rassure. bientôt. Et en fait c'est en ce moment que je me pose la question, tu vois. Ouais. C'est pas avant, enfin en fait elle est jamais vraiment résolue la question, sauf au moment où t'as un mec de confiance qui vient te voir, qui te dit bah vas-y là on te signe et c'est parti. T'arrêtes ton taf. Une fois que t'as la sécurité, en fait. Une fois que t'as la sécurité. Et c'est hyper primal comme manière de raisonner, mais c'est naturel. Enfin, pour parler de moi encore plus, mais j'ai acheté un appart il n'y a pas longtemps, là, avec ma copine. Bah, à chaque fois que je me dis que je pourrais arrêter mon taf, je me dis aussi que si j'arrête mon taf, je ne paye plus mon prêt d'appart, tu vois. Ouais, il faut assurer derrière. Faut assurer derrière. Et en même temps, il y a une petite voix dans la tête qui dit mais vas-y, fais ce que t'as envie de faire. Et c'est là tout le débat. Ouais. Mais voilà, moi, c'est même aujourd'hui, je me pose la question. Évidemment, quand tu vois, hier, j'étais à un concert incroyable, je me dis, mais c'est sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Je pense que quand vous êtes inspiré par des gens que vous voyez faire, créer, vous vous dites, bah, mais putain, j'ai envie de faire ça, en fait. Mm. Et sauf que derrière, tu reviens en réalité, tu te dis, ok, ça va mettre un peu de temps. Ça va mettre un peu de temps, mais il faut toujours y croire, en fait. Toujours. Ouais. Et je dis ça comme si j'étais arrivé quelque part hyper loin, alors que pas du tout, tu sais. Bah, faut toujours y croire, regarde-moi. Ouais. Je suis nulle part. Non mais faut toujours y croire quand même, c'est sûr. C'est sûr. Voilà les enfants, c'est sûr. La bonne parole. C'est un bon mot de fin, ça. J'aime bien. Ah donc c'est fini, on s'en non, va. Non, c'est pas fini. Non. T'as dit qu'on pouvait partir quand vous voulez. Exactement. Personne ne vous tient. Non, vas-y, continue. C'est la séquestration. C'est illégal. Et ben les copains, maintenant on va passer au prochain sujet, tout simplement. Voilà. Yes. On a pris l'habitude dans cette émission, du coup, on a découvert un compte grâce à Elliot qui s'appelle We Have a Wish sur Instagram. Mm-hmm. C'est un compte d'actualité positive. Tous les jours, il poste une petite publication avec des jolis dessins. Il montre en plus le processus de création. Vous pouvez vous abonner en direct sur Instagram. Et en fait, ça parle de tous les trucs qui se passent dans le monde et qui sont cool et qui font du bien à lire. Et, comment tu dis ? We Have a Wish. En attaché, je crois. Tout attaché, ouais, sur Insta. Ok. Et du coup, avant que tu vois l'actu, avant que j'en parle... Ah merde, le spoil. Je suis désolé. T'as déjà gagné le jeu, en fait. Oui, le jeu, c'est encore après. Ah, pardon. C'est une expérience. Alors, tout simplement, c'est une petite actu, on va voir si ça nous lance sur un petit débat, votre implication là-dedans ou pas du tout, je m'en bats les couilles. C'est que le plastique a enfin été interdit, ça va prendre effet en Europe en 2001. Chouette. Que tous les plastiques à usage unique... Ouais, c'est ça. 2001. 2021, putain. Yes, j'ai oublié. Merci. Désolé, c'est hyper relou de faire ça, mais j'ai entendu 2001. Non, mais t'as très bien fait. Je me suis dit, vous là, ça veut dire, Alors que ça m'arrive dans la gueule directement. Voilà. Efface ton commentaire, c'est bon, c'est dit. T'as très bien fait. Je t'ai sauvé la vie. Vraiment parfait, merci beaucoup. En 2021, ça va être interdit les plastiques à usage unique. Il y a une codification du recyclage aussi qui accompagne également cette loi, enlevant l'indépendance des entreprises quant au recyclage de leurs produits et les obligeant d'ici 2029, là je l'ai dit la bonne date, c'est bon, à recycler 90% de leurs bouteilles en plastique. Oula. Et c'est la même chose pour les fabricants de tabac qui doivent eux-mêmes couvrir les coûts de collecte et de recyclage des filtres à cigarettes. Ah, c'est chaud ça. Ça, c'est très bien, ça fait plaisir à lire. Carrément. Vous êtes fumeur ? Ouais, mais je jette mes mégots dans ce qu'on appelle communément un cendrier. Oh oui. Putain, mais c'est magnifique. J'ai vu une photo il y a pas longtemps, je pense que c'est à Madrid. Nouvelle ville. Si vous voulez créer une ville, je vous l'offre. On est snagne. Nendrin. On peut même créer un pays, c'est bon, relancer. Où ils avaient passé juste 3 heures à 4 personnes à ramasser les mégots par terre. Ils avaient ramassé un nombre de kilos. Et en centimètres cubes, c'était énorme. Ils avaient tout déversé. Il y a quelques photos qu'on tournait. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, j'ai vu des trucs similaires, mais pas ce truc-là à Madrid. J'ai vu des trucs tournés par contre. Et c'est absolument. Je crois que le ferrailleur s'y est mis. Ils ont mis un truc pour un cendrier high-tech. Ouais. Avec une entreprise qui vient chercher après les mégots de cigarettes et qui les recycle. Bien. C'est cool. Tout ce que tu viens de dire est trop cool. Bah oui. Non, mais moi, je souscris à fond. Pour moi, la seule manière qui est des avancées en termes d'écologie, c'est qu'il y a des lois qui passent parce que c'est pas les entreprises qui le feront. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est pas assez, mais c'est déjà très bien. C'est déjà excellent. On avait parlé que Nantes aussi, dans les cantines, ils vont enlever le plastique. Ouais, exact. À l'échelle locale. Là, voilà. Mais c'est que ça progresse un peu partout. Mais ils sont en avance. Bah, Nantes, c'est quand même une ville assez. Sur certains trucs, culturellement, il y a pas mal de trucs. Ouais. Mais okay. C'est toujours pas assez, effectivement. Mais effectivement, la seule possibilité de forcer les gens à faire, c'est de passer une loi. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Ouais. C'est le seul truc que tu peux faire. Ou avoir si, bah, on en parlait tout à l'heure en off, mais Roméo Elvis par exemple qui... Ouais, j'allais en parler. Oh pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Quelle gourde. Non, vas-y, quelle gourde. Là, vous vous battez pour pas parler, c'est ça. Elle est bien cette vanne. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, t'as commencé. Ok, donc Roméo Elvis. Non, mais voilà, un mec comme Roméo Elvis qui a de l'influence. Non, je suis désolé. Bah, et tu m'achèteras une gourde du coup. Voilà, ouais, ok, ça marche. Je vais t'acheter la gourde de Roméo Elvis parce que Roméo Elvis promeut. Yes, ouais. J'ai toujours douté, c'est coudre et promouvoir, c'est toujours les deux verbes où je suis largué. Il met en avant. Voilà, il met en avant il met en lumière. Des gourdes, et il fait des... comme c'est un influenceur, un mec qui est hyper suivi, je trouve que c'est bien qu'il fasse ça, mais c'est même trop bien. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est juste une gourde, genre ça règle pas tous les problèmes, sauf que ça fait changer la mentalité des gens, et c'est hyper bien. Ça fait s'impliquer encore un petit peu plus. Mais grave. Surtout que pour un mec qui a autant d'influence que lui. Mais trop. Ouais. Des gamins de 12 ans, ils vont faire ah, il me faut une gourde. Ah, ouais. Roméo Elvis, il a dit. Oh, et en okay, plus, il fait des gourdes style. Donc, voilà. En plus, il est trop beau. Et en plus, il est trop beau. Il est basketteur. Ah bon. Il est grand comme un basketteur. Il est pas basketteur. Et oui, c'est bien parce que du coup, ça donne l'envie sans donner une contrainte en fait aussi. Voilà. Il faut pas que ce soit trop coercitif ou punitif, c'est sûr. Oh, bim. Allez! Deux mots violents dans la gueule. Mais il faut des lois et des influenceurs. Mmh. Voilà, ça y est. Bien sûr. J'ai eu l'éclair là. Il faut des lois et des influenceurs. Ça s'active de plus en plus à ce niveau-là. Il y a par exemple Chaka Punk qui a monté The Freaks, un collectif avec beaucoup de célébrités qui s'engagent à faire des petits gestes, que ce soit réduire un petit peu la viande, arrêter prendre une gourde tout simplement, privilégier le vélo, les produits locaux, tout ça. Mmh. Et je trouve ça cool que les célébrités, ils en ont pas mal. Hein. Je vais pas les citer parce que j'ai peur de me tromper, parce qu'ils sont tous engagés un peu dans... Ouais, il y a du M, il y a pas mal de Français. C'est ce que j'avais envie de dire, ouais. Ouais, je crois qu'il y a M. Il y a du M, Vanessa Paradis. Je vais pas aller plus loin, je vais dire des fonds. Il y a RFM, en fait. Quoi. Ouais. Putain, la pub, en ce moment, sur les abribus. Ouais. Elles sont stylées. Mais non, mais c'est trop bien. C'est trop bien et c'est trop triste d'en être arrivé là, mais c'est trop bien de voir que les gens commencent à se bouger, comme l'énorme pétition qu'ils ont fait signer tous les Malfoy et Carlito, tous ces trucs-là. L'affaire du siècle. Et moi, je trouve la réaction des gens qui disent ouais, mais c'est juste un petit truc, je trouve ça aberrant. C'est le truc qui m'agace le plus horrible. Au monde. Genre, c'est bah, ok, ouais, maintenant ces cas-là, on fait rien, voilà, personne ne fait rien, et tout le monde reste dans la merde. De toute façon, on va tous crever. Voilà, c'est ça. Mais au moins, on aura la conscience tranquille, tu vois. Du coup, le plastique à usage unique, un emballage plastique, c'est compté dedans aussi. C'est à usage unique, si tu le réutilises pas derrière, effectivement. Non, mais je veux dire, il y a le mot usage. C'est un plastique que tu utilises, genre un gobelet, ou c'est vraiment tous les plastiques, un emballage en plastique. À mon avis, c'est plutôt les trucs type sur-emballage, genre ça, par exemple. Sans vouloir. Alors là, on parle de coton. Ou le sur-emballage de paquets de club aussi. Couverts jetables. Voilà, donc c'est des trucs qu'on utilise. Ouais. Un sachet en plastique, tu l'utilises pas. Il sert à contenir un truc. Je pense que c'est considéré dedans. C'est considéré dedans. J'espère, putain. Non, ça, pour moi, non. Ah ouais, tu vois, moi, c'est ça ma question, ouais. Eh bien, si vous passez par là, je sais pas. Si vous savez, mettez dans les commentaires. On verra ça dans le posé. Mes pouces bleus. Mais non, mais effectivement, je sais pas tout là-dessus. J'espère. J'espère aussi. Moi, ça me coulait sous le sens, mais. Pas moi. Ouais, ça te coule sous le sens. C'est énorme. J'ai failli le dire. Ça lui coule sous le sens. Ah, t'as la coulante sous le sens. Je me fais lyncher à ce moment-là. Vous ne reviendrez pas. Elle est trop bien celle-là, ça me coule sous le sens. Ça me coule sous le sens. C'est un mélange de deux choses, ça. T'en veux une autre. On fait avec ça coule de source et ça tombe sous le sens. Ah putain, mais ça tombe de source. Ça tombe de source. Ah non, mais je viens de le comprendre. Ça tombe de source. J'avais source. Ça tombe de source, ça madrine. Génial. Non, parce que j'ai toujours pas compris. Ok, effectivement. Ma fourche à longuet, encore une fois. Ouais. Ok. Mais non, mais t'as beaucoup de travail. Tu dis beaucoup de choses, donc c'est normal que tu fourches de langue. Tu me flattes. Harry Potter. Non, t'inquiète. Donc, qu'est-ce que je t'aime. On peut faire un cut. Mais non. Mais je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de ça. Les emballages plastiques. Chaka Punk. Voilà, des collectifs qui se mettent en place. L'affaire du siècle, les clean walk qui se sont lancés, aussi, un peu partout. Les marches pour le climat, parce que la pollution, c'est aussi le climat. S'ils faisaient la manif en ramassant les déchets, ce serait énorme. Oh, voilà. Concept à lancer à Nantes, si vous voulez. Ah, c'est énorme, ça. Ouais, on fait une manif. Mais même nous, à notre échelle, moi, je fais le mariole, mais en fait, je fais rien, tu sais. T'as pas de gourde. Ben non, mais j'évite, tu vois, il y a des trucs, j'ai des éclairs de lucidité des fois, mais on a tellement été élevés à base de « on s'en branle », qu'en fait, c'est dur de changer. Et c'est un constat d'échec qui est relou, mais c'est vrai. Et ma copine est beaucoup plus alerte sur ces trucs-là. Et moi, je me fais avoir et je dis « mais t'as raison ». Et C'est hyper dur de changer des mauvaises habitudes. Oui, toute habitude est très dure à changer. Moi, je sais que j'ai pris l'habitude, justement, via Instagram, je suivais le compte Et Tout Le Monde S'en Fout. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube. Hyper bien, des épisodes sur tout, sur les arbres, le sable, la salope qui a buzzé. Okay. C'est vraiment génial, ça cite du philosophe, ça explique tous les côtés. Il s'engueule aussi, il est vachement condescendant. Le personnage, moi, me touche aussi dans la façon de jouer. C'est hyper bien monté, c'est clean, c'est cool, trop cool. Regardé. Et tout le monde s'en fout, t'as 40 épisodes à bouffer qui sont géniaux. Okay. Et du coup, lui, il est pote, le mec qui joue ça, le comédien, il est pote avec Clean Walker, un compte Instagram où justement il mettait à chaque fois en story quand il marchait dans la rue, qu'il voyait un déchet, il le ramassait, il montrait qu'il le jetait à la poubelle, tout simplement. Le truc tout con qu'on peut faire. Non, mais grave. Et que moi, du coup, j'ai pris l'habitude de faire ça dans ma rue en allant au bus. Je vois un truc, et si c'est en revenant chez moi, je sais que j'ai ma poubelle de toute façon chez moi. Ouais. Et que je pourrais le jeter directement dans les grosses poubelles, dans je sais plus, chez Oka, la poubelle, tout simplement. Et c'est un geste qu'on pense pas vraiment. Et il y a aussi, moi j'ai eu ce moment-là, un truc un peu de culpabilité de le faire. C'est très très con. Et je l'ai fait en étant avec quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? De ramasser. Ouais. De ramasser un déchet. Ça m'arrive aussi. Mais et du coup, tu t'es senti coupable? Bah, une demi-seconde. Je me suis dit, mais. Bah, t'aurais dû dire, mais pourquoi tu le fais pas? Bah oui, après, je me suis recentré. Je me suis dit, bah. Pourquoi t'es con? Non, en fait, je le fais, je sais pourquoi je le fais. C'est que j'ai envie de mourir moins tôt. Ouais. Non, mais clairement. J'avais aussi. J'ai vu le film Interstellar il n'y a pas longtemps, qui passait au cinéma, que j'avais jamais vu. Ouais. Voilà, jetez mon pierre. Et alors? Bah, top. Très bien. Mais le fondement du film, c'est que la Terre, elle est dans une. Ça spoil pas trop ce que je dis. Non. Bah, sinon, couper pendant 20 secondes et puis. Revenez dans 5 minutes. Non, c'est. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'il est sorti le film? Oh, largement, ouais. Oui. Bon, je pense à un moment, c'est plus du spoil. 2014. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, la Terre est dans un état pitoyable parce que l'homme n'a pas fait attention. Et je me dis, c'est incroyable qu'un film qui marche autant et qui montre autant une catastrophe, sans en faire le point principal du film, on se dise pas « Ah tiens, ça peut arriver », qu'on a banalisé le. Mais les gens voient ça sur un truc qui est à long terme. Enfin, la génération de nos parents se pose pas du tout la question, en fait. Je pense que c'est notre génération qui va faire bouger, enfin qui fait déjà bouger les choses un petit peu. Ouais. Et peut-être même la génération derrière encore plus. Mais si elle arrive, s'il est encore temps. Je pense qu'elle arrive, j'espère, mais voilà. Tu m'as coupé. Oh, je suis désolé, chacun son tour. Non, mais bref, voilà. Mais fromage. Fromage. Post-fromage. J'avais un truc à dire par rapport à ça. C'est que Game of Thrones, c'est pareil pour moi. Je veux pas faire de spoil ni rien, mais. Sur la guerre. Bah, sur le changement climatique, moi je trouve qu'il y a un message de fond sous-tendu. C'est sûr. Les White Walkers, j'ai peur de spoiler à chaque fois que je lâche un truc. Non, mais c'est bon. Mais il y a toute une symbolique en fait qui est hyper proche du climat et de tout ça. Qu'on se tape sur la gueule alors qu'il y a plus grave. Bah, c'est ça, putain. Ouais. C'est ça. Qu'on se tape sur la gueule alors qu'il y a bien plus grave. Et en fait, on est suffisamment débile pour rentrer dans le film et pas voir le message et en sortir et continuer à polluer et à être dans ce déni-là. Mais c'est vrai qu'il y a des prises de conscience qu'on peut avoir via l'art et tout ça. Voilà. Ouais, qui sont pas encore assez. Ouais, qui sont peut-être pas assez violentes, mais en même temps, si par exemple, il y a Mélanie Laurent qui avait sorti un film sur l'écologie assez fort, tu vois, une sorte de documentaire, bah pour le coup, j'avais pas envie d'aller le voir parce que j'avais pas envie d'aller. Sur le moment, j'avais pas envie d'aller juste voir un documentaire qui parlait de ça, dans le moment T, hein, c'est pas que j'avais pas envie de voir le film. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des films qui aient des messages sous-tendus comme ça, des doubles degrés de lecture, où finalement ça rentre petit à petit dans ta tête. Comme Game of Thrones, les gens ils vont se dire dans 30 ans, putain, ok. Tu vois. Bon, et moi je le sais 30 ans dans tout le monde, parce que je trouve... non, mais même moi dans 30 ans je me rendrai compte que ça se trouve de trucs où je serais peut-être mort, j'en sais rien. Mais... Voilà. Du coup, voilà, coupez l'eau quand vous vous lavez les dents, ça sert à rien de laisser couler l'eau. Buvez plus d'eau. C'est plus simple. Prenez un bain, vous gardez l'eau pour tirer la chasse d'eau après avec un seau, pourquoi pas. C'est ça. Il y a plein de petites techniques. Lavez-vous avec l'eau des toilettes. Ouais. Bah, t'es écolo, t'es pas écolo. Mais tirez la chasse avant un peu quand même. Sinon, c'est chaud. Mais vous vous lavez, vous? C'est ça. Ah non. Ah, d'accord. Ouais. C'est ceux qui sont sales qui se lavent. C'est sale. C'est clair. Bien voilà les copains, on a vu un beau sujet. We Have a Wish, ça fait du bien. C'est bon, je peux regarder du coup. Ouais, c'est bon, tu peux regarder tout. Merci. La dernière fois, j'ai envie de la redire. Du coup, on avait vu une actu sur la viande. C'était toi qui nous l'avais amené, Elliot. Oui. Ça parlait que l'avancée scientifique était capable de prendre une cellule de viande et de la faire se reproduire elle-même. Mmh. Et que du coup, ils pouvaient créer de la viande. Bon, après, à mon avis, la forme est un peu chelou. Mmh. Mais ils pouvaient créer de la viande à partir de viande. D'accord. Et que du coup, on passerait de 1,5 milliard de vaches tuées par an à 10 000 ou 100 000, je sais plus. 10 000. Mais c'est énorme. Enfin, c'est n'importe quoi de se dire qu'on est obligé de recréer artificiellement une vache plutôt qu'arrêter d'en manger. Attention, je suis pas végétarien. J'aimerais le devenir, mais je le suis pas encore. Mais je veux dire, quitte à arrêter de manger de la viande, bah arrête de manger de la viande. En fait, on pense pas dans le bon chemin. Enfin, on pense à créer au substitut au lieu que les gens ne s'en passent pas. On est obligé de penser à ça parce qu'effectivement, le truc de j'arrête de manger de la viande, il est compliqué aussi. On ne parle pas d'arrêter de manger de la viande, on parle de moins manger de viande. Mmh. C'est quand même accessible, oui, déjà, je pense, à tout le monde. Ouais, clairement. Moi, je croise clairement beaucoup de gens qui ne sont pas capables de passer un repas sans viande. Ouais. Ils sont gros, ces gens-là. Même pas, je suis jaloux. Mais c'est dans certaines consciences, c'est encore hyper. Mais dans des cultures et tout, c'est parce qu'on vient quand même d'une époque d'abondance, d'après-guerre, où putain, on a tout en quantité, dans des trucs de plastiques, ça se conserve dans un frigo, on a même deux congélateurs pour avoir plein de réserves. Mais oui. C'est un truc de ouf, on a une semaine, deux semaines d'avance en bouffe chez nous. Encore, on n'est pas aux États-Unis, mec. Parce que les États-Unis, c'est pas... Alors moi, j'ai pas vécu les États-Unis comme ça, parce que j'ai vécu dans une famille végane. Yes. Oh. Et qui était grave, à fond sur l'écologie, donc j'ai pas vu ce côté-là de l'Amérique, en fait. Mais à Seattle, ils sont très comme ça aussi, hein. Ils sont très avant-gardistes à ce niveau-là. Ouais, c'est le Nantes de... Ouais, c'est un peu ça. Ils sont à contre-courant du reste. Ouais, t'as appris des trucs, du coup, des petits gestes du quotidien qui sont cool. Par exemple, c'est con, mais là-bas, déjà, il y a la... Comment dire ? Déchets alimentaires qui sont mis dans le compost ouais, exactement. Mmh. Rien que ça, je le faisais pas, mais j'ai apprécié en fait de le faire. Tout est trié aussi, mais il y a plus de, enfin, le système est bien mis en place en fait. Mmh. C'est ça qui aide aussi quand tu connais pas. Bah, on parlait d'une loi qui contraignait à faire des choses, c'est qu'aussi il faut les dispositifs pour pouvoir faire les choses. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu chiant de trier parce que tout est pas mis en place. Accessible et facilement pour pouvoir le faire. Là, il y a des trottinettes électriques qui sont apparues partout à Paris. Mmh. Ça augmente la capacité de transport en commun. Si les transports en commun étaient gratuits, davantage de gens les prendraient. Ouais. Mais du coup, il faudrait augmenter aussi le trafic. Mais il y a des gestes comme ça où on peut pousser les consommateurs à le faire. C'est arrêter de vendre des cotons-tiges au Leclerc. Bah, les gens n'utiliseraient plus de coton-tige parce qu'il n'y en a plus. Ouais, ça, il y a des bâtons de cire maintenant, c'est ça ? Comment ça ? Non ? Ah ouais ? Ouais, il y a des bâtons, en fait, tu fais fondre ta cire dans l'oreille et après tu. C'est pas très sexy, mais par contre, ça remplace le bien. J'ai déjà fait, c'est génial. Ouais ? Ouais, à faire à deux pour pas se cramer la gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Comme les poires de grand-mère là que tu mettais, vous avez pas eu ça ? Je sens que j'ai une dans l'oreille, la poire ? T'es sûr que c'est dans l'oreille ? Non, je te parle pas de la poire à lavement. Ma grand-mère, ma geste. C'est. Non, mais j'avais ça, c'était horrible. Pire souvenir. J'ai dû choper une otite avec ça. C'est hyper agréable avec les bâtons de cire. Je trouve ça en biocop et ça te vire en tout. En plus, tu nous dis ça avec une voix. C'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Je mettrai une petite musique très ambiante derrière. Yes. Tu nous le feras à la prochaine émission. Tu amèneras tes bâtons. C'est ça. Ouais, je ferai un truc dans ce tuto. Ça peut être pas mal. Ouais. On éclaire tout avec des bougies, même le fond vert. C'est génial. Comme ça, on va cramer encore plus. C'est bien. Oui. Bonne couche d'ozone bien trouvée. Alors, les amis, est-ce que vous connaissez Google Food ? Non. Non. Non. D'accord. Moi non plus. Vous faites des recherches à Google ? Ouais. Ou Ecosia aussi ? Ouais. Ouais. Moi, Ecosia, personnellement. Moi, je suis encore à Google. Donc, après, quand tu veux trouver des trucs plus facilement, tu vas sur Google. Clairement. Je sais, c'est les most search things là. Exactement. Okay. En fait, quand tu commences une phrase sur Google, ça te met des suggestions. Des suggestions, c'est les choses les plus recherchées. Okay. En fait. Donc, en fait, on est sur un jeu que Google a créé. Et il va nous donner une début de phrase et on va devoir essayer de deviner qu'est-ce que les gens ont voulu chercher après. Voilà. Donc, on a trois essais. Donc, je vais vous donner un début de phrase. Vous me donnez chacun une proposition. Okay. Je vais la marquer pour voir si c'est ça. C'est ça, c'est pas ça. Vous marquez des points, vous marquez pas de points. Et, trop bien. Voilà, et après, on lynche. Deuxième qui a perdu. Ah ben celui qui a perdu, on lynche. En fait, je crois que c'est le concept de la famille en or, si je dis pas de conneries. C'est ça, en fait, une famille en or. Tu sais, le truc avec de Chavannes. Oui. Moi, je connais juste la parodie des Inconnus. Ouais, c'est une ça. Famille en plomb. Les coucougnous. Une parodie coucougnous. Un frigogidaire. Putain, faut que je regarde ça. Oh là là. Wow. Mais c'est ça le concept, en fait. C'est genre, t'as une phrase et tu dois trouver le mot le plus répété par un panel de français. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, ça, je préfère ton jeu. Bah, nous, c'est Google. C'est worldwide. Donc là, on commence avec. Alors, du coup, il me propose plusieurs catégories. Il y a aléatoire, des questions, la culture, les célébrités. Bon, là, je commence avec un aléatoire. Allez. Donc là, on a du lourd. faire caca sur. C'est ça, faire caca sur. Ouais, faire caca sur. Voilà, vous me donnez un mot. Faire caca sur. Ouais. Bah, ça y est, moi j'ai le mien. Vas-y. Personnellement. La voie publique. La voie publique. À mon avis, c'est un peu compliqué pour les. Si. La voie publique. Faire caca sur. Sur quoi? Ah, le petit sourire. Quoi, oh, le bâtard! Mais c'est obligé, tu veux faire caca sur quoi? Et sur ta maman? Il y a dedans, il y a sous, il y a sur, du coup, il n'y a pas beaucoup de choses. Tu me bluffes. Ok, un point pour Yann. Tu sais le résultat là, si c'est très très élevé en termes de recherche? Alors là, t'es en 8e position. Sur combien? Sur 10. Ah ouais, c'est pas ouf. Ah, c'est vraiment la famille. Mais en gros, c'est le 8e plus recherché de tout ce que tu peux rechercher. Pas mal, hein. Ah, donc on doit renchérir là. Allez-y, dites. Faisais mieux. Moi, j'ai envie de tenter un truc, mais c'est glauque. Vas-y. Mais moi, je dirais faire caca sur son conjoint, sa conjointe. Ah, c'est ce que j'aurais dit moi aussi. Ouais. Alors, je sais pas, conjoint tu tapes comme ou tu partenaire. Veux. Copine, copain, conjoint. Comme... Sur sa meuf. Sur son partenaire, parce que faire caca sur son partenaire. Ça va être bon aussi. Pas sûr. Si. Il s'appelle la Ça y est ou sixième. Sixième. Ça a un nom cette pratique. Hein. Je vais avoir parlé. Ah, ouais, exactement. Ouais. Stylé. On mettra un extrait de Two Girls One Cup derrière nous. Vous êtes trop ouf. Moi, j'ai joué 10 Scatman minutes au boulot, Scatman j'ai eu 0 points. Oh. Ah oui. Ouais. Bah écoute, t'inquiète. Fanny, à toi. Une propale. Fanny. Ah, je suis pas inspirée. Fanny caca. Allez. Fanny. Si vous avez des choses, allez-y. Hein. Moi, Bah c'est vrai, t'as pas d'inspiration. Bah non, du coup, c'était mes. On t'a tout niqué les propositions. Bah, sur. Il y a quoi Quoi Bonsoir. Sur le capot. Ouais, j'y pensais. Moi, je pensais à ça, le sur capot. Une bagnole. Faire caca sur mon chien. Ah, oh, attends, prends sa proposition. What the Faire caca sur un chien. Sur mon chien. C'est énorme ça. Bah oui, parce que c'est imagine que t'as déjà fait en mode vengeance. Non. Est-ce que je peux me venger? Il n'y a pas de chien. Ah merde. En fait, ça passe au suivant quand on a 3 erreurs. Du coup, là, vous pouvez continuer d'enchaîner. Ah yes. Ok. Après, il va donner tous les trucs ou pas? Oui, il donne après, je vais pas vous dire. Faire caca sur une voiture. Alors, sur une voiture. Alors que ça va passer. Sur un enfant. T'as pas non. De voiture. Ah shit. Allez, un petit dernier. Faire caca sur une vidéo YouTube. Non, mais sur le pot. Sur le pot. Ça, on dit sur le pot ou pas? Ah ouais. Vas-y, moi je suis chaud. Deuxième. Oh mais bravo. Mais c'est sûr, toutes les mamans et génial. Les papas qui cherchent. Mais évidemment, mais évidemment. Oui, mais oui. Évidemment. Tu sais, ils mettent pas de questions. Faire caca sur le pot. Ils cherchent. Exactement. Le tuto. Ok. Bon, bah, c'est deuxième ça. Ça c'est le deuxième de la liste. Donc là, elle a marqué direct plein de points en fait. Bah je sais pas, je vous mets un point quand vous trouvez en fait. Ouais, bah vas-y, c'est parti. Bah, je pars bien du coup. Bon, on passe à un suivant. Et cette fois, on commence par Fanny parce qu'elle a pas marqué de points. Attends, je marque n'importe quoi. D'ailleurs, je vais vous dire le premier. Oui, ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est faire caca sur soi. Ah, mais non, charité bien ordonnée. Moi, j'aurais mis de chier dessus, tout simplement. Ouais. En troisième, on a faire caca sur un bateau. Ok. Puis faire caca sur sa commande. Sur sa commande. Sur sa commande. Oh là. Mais c'est un mec de pizza. Je sais pas. Alors tous les Domino's de la région, vous faites gaffe. Faire caca sur sa commande. Je vais mettre quoi? Je vais mettre culture, non? C'est ouais, sur vas-y. Sa commande. Non, question. Question. La télécommande, non, peut-être. Je sais pas. Alors, Q-E-S-T. Attends, Q-U-A-P-O-S-T. K. C'est une question, en gros. Les gens vont poser une question. Tiens, là, j'avoue que c'est large. C'est hyper chaud. Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui est jaune et qui c'est attend? C'est tellement bien. Je mets quoi? Bah, c'est bah, la vas-y, réponse, vas-y, celle de Fanny. Voilà, fallait que ça arrive. T'as dit quoi? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que l'amour? Vas-y. Qu'est-ce que l'amour? J'ai mon cœur qui fait ça, du coup. On va vivement savoir. Non. J'ai hyper bien le cœur. Putain, mais personne n'est romantique l'amour dans ce monde, je suis trop déçue. Ouais, effectivement, c'est pas ouf. Qu'est-ce que ouais. Okay. On doit masquer après. T'aurais pu trouver un c'est truc dur, plus simple. C'est hyper dur. Et, allez, attends, je mets une autre question. Je mets une question. Vas-y. Comment éviter une? Allez, balancez. Oh, moi j'ai gastro direct. Ah, gastro. C'est sûr. Tout ce qui est médical, c'est le dada. Allez, c'est bon. C'est point, combien? Hop, c'est 9e. 9e, wow, c'était limite. Mais c'est bon quand même. Comment éviter une amende? Ouais, putain, j'ai pensé à j'étais sur comment contre... C'est une? Une. Ah, merde. Ah, comment éviter j'étais une? J'étais sur un contrôle de police. Ou... Bon, amende, c'est moi qui l'ai dit. Je vais les... je vais allez, tu joues, vas-y. Comment éviter une amende? Premier. Ah non, même pas. Oh y'a pas. Comment éviter une contravention? Enfin, c'est le même truc, mais est-ce qu'il... Travention. Qu'est-ce qu'il fait chier? Non, vraiment, les gens essaient pas de cheater. De ouais, comment... En tout cas, ils le cherchent pas sur Google. Ouais, c'est... un truc. Je sais pas, comment éviter une personne? Comment éviter... Ah oh, question de génial. Lycée, a priori. C'est bon, ça. C'est un truc qu'on se posait pas mal. Non, ça. Ah, non. Un ex, ah, non, une ex. En premier, on avait comment éviter une fausse couche. Ok. Ouais. Comment okay. éviter une luxation, une... comment éviter une grossesse, oui. crise cardiaque, tendinite, ouais, préservatif. Ah, en fait, c'est que médical, hein. C'est crise cardiaque, mais non, mais crampes, angine. Doctissimo, c'est une bible sur Internet. Ouais. Moi, j'y vais souvent. Attention. Non, je te jure. Ouais. Et t'es encore en vie. Que de la merde. T'es encore en vie alors que j'ai un cancer. Une crise cardiaque. Attends, un cancer. Quel cancer? Celui des ongles de pied, il me semble. Ouais, celui du podologue. Bon, allez, un truc facile, je pense. Comment mettre une femme dans son lit? Oh, oh j'avais pas pensé. Bah, c'est sûr. Dans l'armada des dragueurs. Allez. Combien? 8e. Ah, yes. Bah, c'est pas ouf, 8e, mais ok. Comment mettre une femme en confiance? En confiance. Premier? Ouais. Mais c'est quoi, il vaut 2 points? Il vaut 2 points, celui-là, il vaut 2 points. Le monde ne va pas si mal, Fanny. Un petit peu, parce que comment mettre une femme en confiance? Oui, elle est un peu c'est bien un souci, du coup. Oui, ouais, mais c'est que t'as quand même envie qu'elle aille bien. Donc, allez, partons sur l'humanité, c'est le premier. Ça sent le manipulateur pervers. Ouais, ça sent un peu ça, le pervers narcissique. Ouais, comment mettre une femme enceinte? Comment mettre une femme en confiance? Ouais, mais enceinte. Du coup, c'est un peu logique. Moi, j'aurais dit ça aussi, enceinte. C'est Google, hein. Ouais, c'est vrai. Oh non, même pas. Mais c'est pas possible! Mais je suis pas d'accord avec ça. Hein. Par contre. Comment mettre une femme en boîte? En colère? Moi, je sais pas. Non, c'est très facile. Bah, c'est trop, mais oui, mais c'est sûr, comment mettre une femme en colère, t'as raison. Hein? Bah, comment mettre une femme en colère? Non. Ça y est pas? Mais non. On a encore une propale? Ouais. Mettre une femme en rogne, j'avais envie de dire, mais c'est en pas rute. En rute. En rogne. En chaleur. Oh, je suis sûr, c'est beauf. Comment mettre une femme en chaleur? Tu crois? Oh, c'est, je suis sûr. Fromage. Non. Oh merde! Il y est? J'ai marqué chaleur, mais il m'a compté valeur. Oh et du coup, c'est bon, valeur. Mais je te mets pas de l'aide près, tu changes clairement le sens. Et du coup, on et peut... en chaleur, il n'y a pas. Ah merde. Il y a quoi du coup? Bah, du coup, on a comment mettre en femme. Comment mettre une femme enceinte? Espace vidéo. Ah putain. Oh, là, c'est quoi, je te mets un point parce non, que ça, ah oui, même... merci. Ça, il y a juste à mettre Pornhub en fait. Oui, en fait, oui, c'est clairement ça. Je comprends pas le concept. Comment mettre une femme enceinte en PLS? Comment mettre une femme dans son lit rapidement? Ah bah, ça, c'est la horde des dragueurs d'Internet. Oh putain. C'est dur. Ouais. Et on a les réponses du coup? Bah, <c'est... rire> bon, ça va, c'est une petite oui. blague. Mais ça suffit, oui. On va peut-être perdre foi en l'humanité si on continue ce jeu. Non ouais, alors est-ce que je peux manger? On peut revenir à la première question. Ah, ça va partir sur des trucs dégueulasses, ça encore. Bah, du coup, note direct sperme, non? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que je me suis dit ça, j'ai pas osé le dire, mais. Manger voilà. du sperme? Non, attends, non, c'est pas ma réponse. Parce que non, redis la phrase, s'il te plaît, Elliot. Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux manger. Épicé? En même temps? Épicé ça, en c'est même bon, temps? C'est épicé. Ah, non. C'est vrai? Ça y est, t'as compris la blague? Y a pas. Mmh. Elle est bien. Est-ce qu'on repart sur le caca? Je et crois que est-ce qu'on peut. Non, franchement, qui tape? Est-ce que je peux manger du caca? S'il te plaît, qui tape? Du caca ou mon caca? Mon caca, caca. Non, mais... non, pas n'importe quel caca. Ça va pas de manger le caca des autres. Ah, mon caca, non. Chacun sa merde, comme on dit. Je peux manger. Mes ongles? Ah, mais si! Si c'est une bonne question. Si. Non. Oh! Merde. Alors, c'est. Putain. Est-ce que je peux manger du saucisson enceinte? Est-ce que je peux manger du thon enceinte? Ils pensent qu'à leur gueule. Est-ce que je peux incroyable. Manger du jambon blanc enceinte, mayonnaise, moule, jambon crevette, c'est tout enceinte. Tout vraiment. Enceinte. Ouais, voilà. Il y a que les femmes enceintes en fait. Qui se posent cette question. Alors que nous, on mange notre merde, on se pose pas la question. Alors qu'on n'est pas enceinte. Sans problème. Combien mesure le plus grand? Sexe du monde. Pénis. Ouais, voilà. Voilà, pénis. Attends, partons sur pénis ou sexe? Il y a pas pénis. Oh, c'est pas possible. Oh merde. Bah, le plus grand homme du monde. Ouais, clairement. Simple, basique. Nekfeu. Et ouais. le plus grand nain du monde. Ah putain, c'est énorme ça. Ouais. C'est, ça pousse à réfléchir. Eh ben, 1m20, figure-toi. D'accord, ça catégorise. J'ai chié un truc, je sais pas quoi, donc ça me met toutes les réponses. Effectivement, le plus grand homme du monde. En premier ? Ouais. Alors, on peut essayer d'en trouver le plus grand chien du monde. Ouais, dites-moi. Le plus grand chien du monde ? Ouais. Ouais. Le plus grand bâtiment du monde. Non. Le plus grand cheval, parce qu'on part sur les animaux, c'est pas mal. Non ? Oui. Ouais. Tu vas marquer plein de points, toi. C'est un truc que j'ai déjà cherché. Non, pas mammifère. Le plus grand bateau. Bien joué. Là, il y a du point. Là. Le plus grand parc. Non. Okay. J'ai vraiment des idées de merde, les gars. Le plus grand pays. Ah. Non plus. Merde. C'est la Russie. Non, c'est quoi? C'est la Russie. Il y avait gorille, serpent, requin. Ouais, voilà, c'est que les animaux. Ouais, en plus, j'aurais pu les enfants. C'est vraiment des enfants. Anaconda. Pour savoir combien ça se revend. Crocodile. Pourquoi ce ? Pourquoi ce ou ce CE ? CE. Pourquoi ce ? Waouh, c'est hyper dur ça. Ouais, ça c'est il manque dur, toute ouais. la phrase là. Oui, il manque toute la phrase, on est d'accord. Ah ouais, non, c'est... Moi je pars direct sur les trucs dégueulasses, mais. Vas-y. Pourquoi se toucher la nouille ? Ouais, exactement. Mais non, mais pourquoi c'est ce. De quoi ? Ah, bah oui, bah c'est impossible. Ah, c'est CE. C'est impossible. Ah, pourquoi Attends, je change. C'est chiant. Attends, c'est pourquoi ce chien est-il en train de faire caca dans la rue C'est le genre de phrase qui marche, je crois. Pourquoi ce pays fait n'importe quoi Ça fonctionne, mais je crois pas qu'elle marche. Non. Google Freud. Freud. Google Freud. Google Freud. Ce serait énorme. La psychanalyse de Google. Les recherches les plus faites sur Freud. C'est ça. Pourquoi ma mère En fait, c'était pourquoi ce silence ? Pourquoi ce poste ? Pourquoi ce poste est fait pour vous ? Pourquoi ce poste entretien ? Pourquoi ce métier ? Pourquoi ce stage ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi ça, ce c'est jeu ? Énorme. Pourquoi ce silence en premier ? Pourquoi ce silence ? C'est genre, mais pourquoi cet homme ne veut plus me parler ? Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ouais. C'est la détresse des non, gens. Non, mais c'est fragilité, je comprends. Pourquoi ce silence ? J'espère qu'il trouve du réconfort quand même sur Google. Bon, prochaine étape, moi, c'est j'ai qu'on déjà fait trouvé toutes les recherches. Devenir astronaute. Devenir acteur. Oh, ben ça, astronaute, acteur. Astronaute. C'est bon ça. Acteur. Non. Mais non. Acteur. Acteur. Médecin. Non. Putain, acteur parlant grave. Avocat. Devenir riche. Riche, c'est le riche. Premier. Ouais, devenir c'est riche. Sûr. Ah putain, mais oui. Devenir... Pardon, je mange en même temps. Qui a dit riche ? C'est moi. Ouais, c'est mais le premier. Il a dit deux réponses. C'est hein. le premier. Moi, j'en ai dit zéro. Non, c'est le neuvième. Mais arrête. Devenir... Normalement, les gens sont très cupides. Non ? Ok. Comment devenir super riche ? En fait, comment devenir auto-entrepreneur, agent immobilier, rentier. J'avoue, je l'ai tapé celle-là. Ah ouais ? Auto-entrepreneur ou agent immobilier ? Ouais, t'as fait partie des cons. Des gens qui cherchent des trucs. Des cons. Du panel. Moi, je l'ai tapé sous Ecosia, par contre. C'est beau. Je sais pas s'ils prennent comment en compte. Devenir écolo sur Ecosia. C'est pas mal ça. Ouais. Je pense qu'il te met directement sur une page du site Ecosia. C'est ça. Tu l'es déjà, bébé. Tu fais déjà un T'es petit sur geste. La bonne voie. C'est ça. Continue. Tu plantes des arbres, il paraît. C'est pas possible. Non, alors. Alors. Est-ce que je suis. Est-ce que je suis. Non. Est-ce que je beau, suis. Non, est-ce, ouais, que non, est-ce que je suis enceinte. Est-ce que je suis enceinte. Alors ça, c'est le premier, putain, yes. C'est sûr. Bah attends, ça, je mets le beau Johan qui est numéro 2, évidemment. Et le premier, c'est enceinte. Est-ce que je suis beau, mais qui tape ça sur Google. Est-ce que je suis. J'avoue, je l'ai tapé. Enceinte, c'est le huitième enceinte. Mais quoi. Est-ce que je suis malade. Complètement malade. Malade. Au désespoir. Non. Est-ce que je suis. Est-ce que je suis. Ouais, c'est pas facile. Hein. On peut se poser cette question avec tout. Est-ce que je suis homosexuel ? Oh, ah, pas mal. Pas mal. Tristesse de société, mais. Ouais. Ah non. Gay, bah attends, je vais mettre. Gay. Ouais, gay. Non plus. Est-ce que je suis. De chez fou ? Non, je sais pas. Non, du coup, j'ai les réponses sous les yeux, c'est ah, super ouais. con. Ah, ok. Est-ce que je suis intelligent ? Ouais, il y a ça. Effectivement. Il y a quoi ? Vas-y, on voit. En fait, il y a belle, moche, jolie, gentil, intelligent. Tu sais, les gens mettent ça sur Google. C'est des adjectifs très poussifs. En fait, on est trop intelligent pour jouer ce jeu. Si, est-ce que je suis amoureuse ? Ah oui. Ah. Est-ce que je suis grosse en dernier ? Voilà. Ouais, forcément. Est-ce que je suis grosse ? On remarque quand même une société patriarcale, agréable et machiste. Tout n'est que vision de l'autre, en fait. La prochaine fois, on fait ce podcast à partir du Canada ou des États-Unis ou ailleurs. La maison. De mes rêves. Je l'ai fait en labé. La maison. Là, non, mais... non, non, ça va être la maison de, je sais pas, de stars ou la maison de. La maison des secrets, tu vois. T'as raison, il y a que des noms de stars, ouais, en fait. Ou, ouais, non, raison, genre la maison de. Pas de secrets. Merde, John. Allez, la plus... Justin Bieber. Ouais, vas-y. Voilà. La maison de. C'est de Jay-Z. Maison de Beyoncé, on sait rien. Non. Quoi? George Lucas? Non, et je vais vous dire. La maison de France 5. Y a pas un truc qui s'appelle comme ça? C'est le premier. Wow. Quel bâtard, comment t'as... Parce que je connais. Parce que j'ai des. Parce qu'il regarde ça tous les jours. Ah, purée. J'ai une mère qui était fan de déco quand j'avais 15 ans et qui est fan de ce genre de trucs. Et ben, la maison de France 5, la maison du convertible, la maison du whisky, du chocolat, de la poutine. La les gens ne pensent qu'à manger et voir la télé. La maison des artistes. Ah oui, ça j'ai cherché aussi. Moi aussi. Moi aussi. La chance. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Canard. WC. WC, bien sûr. Canard vibre. Il n'y a pas un truc avec l'expression être un canard? Non. Canard expression. Canard, ça va mis canard PC. C'est... Dédicace à Ultra Vomit, canard vivant, peut-être. Je les embrasse. Non. Ultra Vomit. Ultra Vomit. Canard. C'est nul, en fait. C'est, ouais. Les recettes de cuisine, c'est quoi? Canard laqué. Canard. Ah, canard. Ah non, c'est pas attaché. Ouais, canard laqué, ok. Bon, je t'ai aidé, je donne pas de points. Ah ouais, d'accord, ok, bah c'est parti. Ce jeu n'a aucun sens. Canard, en fait. Canard aux champignons, canard. Bah, je sais pas quoi. Canard à l'orange. À l'orange. Canard à l'orange. Canard à l'orange. Surtout, sauvez votre planète. Hein. Voilà, l'orange, bien sûr. Ouais. Voilà, donc on a donc tous voilà. Les plats, en fait. Ouais. Bah, je sais pas, attends, je vais mettre les réponses. Canard enchaîné. Ah, ah ouais, c'est cool. Voilà. Canard. C'est une table de droite, visiblement. Personne n'a trouvé canard enchaîné. Bon bah écoute, c'est un faute d'aimer le journal hein, mais... 18 quoi? Ah, 18. Faut trouver la suite. 18 centimètres. Non. Je vois pas là. Ça me fait penser une fois où j'avais cherché 18, enfin j'avais cherché en les membranes d'enceinte. On fait en pouces et du coup j'avais cherché tant de centimètres en c'est pouces. Inch en anglais. Voilà. Oui. Et du coup t'es tombé sur et le grinch. Et du coup je suis tombé que sur des réponses de mecs qui parlaient de leur tub. Yes. Bah mais ça dit. le mot tub a fait doublement rigoler. Je m'attendais pas à ça en fait. Bah, oui, bien sûr. Bah moi non plus à 3h du mat en cherchant combien mesuraient mes enceintes. Finalement je l'ai bien aimé. Donc. Du coup 18, moi je mets 18 ans parce que évidemment c'est, ah bah oui. Voilà, c'est le premier. Allez. Ah oh, comment. Ah, lourd. 18. Bah alors bah après attends, vous allez jamais trouver. 18 restaurants, 18 en anglais, si. Ouais. 18 heures. 18 pour ceux qui savent. 18 heures. Qui va mettre 18 heures sur Google, putain. 18 heures. Attends, tu sais quoi, je vais le faire en direct pour voir ce que je trouve. Attends, je vais le faire parce que ça m'intéresse. 18 heures. Mets-le en favori après. C'est incroyable, 18 heures. Moi j'aime trop. Y a rien. Définition à 18 heures. Le mec. Attends, mais y a un truc qu'on loupe ou quoi en termes de définition? Enfin, en termes de 18 heures. Y a un truc qui existe. Je pense le 18 heures. C'est pas les infos, je sais pas à quelle heure c'est. Ouais, non, oui. Ah, il doit y avoir un truc comme ça parce que c'est pas possible de juste taper 18 heures. Les gens sont teubés. Et surtout, abonnez-vous. Ah, t'avais celui sur les célébrités, il avait l'air bien. Ouais, alors, célébrité, on va mettre ça. T'as vu, je commande maintenant. Alicia là. Bien joué. Alicia là. Alicia là. Là, quelque chose. Alicia. Là, c'est son nom de famille ou c'est. Non, la, c'est genre la Alicia la pute, enfin, j'en sais rien. Ouais. J'étais vraiment sur ces valeurs là. Bah, je pense pas grand chose. Hein. Alicia là. Mais si, enfin. La chanteuse. Bon, la chanteuse. Bah, non, c'est Alizée, n'importe quoi. Si, si, Alicia la chanteuse, Alicia Keys. Ouais. Possible. Possible. Bien joué. Alicia. Mais il est en train de nous déboîter. Il y a Alicia Milano, oui, l'actrice, du coup. Oh, oui. Mais Alicia la Milano. Ça marche pas. L'actrice, ils savent pas écrire. Ah, bah oui, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, ok. Alors là, Alicia la stripteaseuse. Non, t'as pas ça. Ça sent la vieille soirée cramée. Alicia la pute, moi je suis chaud pour le tenter quand même. C'est chaud, si c'est ça, je perds foi. C'est pas stripteaseuse, c'est pas pute. Ok. Les gars. Déjà testé. Je. Alicia. Je sais pas, Alicia. En même temps, on veut dire des trucs intelligents et en même temps, on a perdu foi. Je vais dégager Alicia, la petite maison dans la prairie. Ouais, mais mec, on n'a pas 60 ans. Hein. Attends, la petite maison dans la prairie. Alicia la grenade, Alicia la voix, la roche, la miss. Ah, Alicia la roche. La roche, ouais. Je connais, ok. La Roche, mais c'est pas pareil. Jean. Du Jardin. Rochefort. Attends. Oh, ok, on est sur deux gros points. Du Jardin, bien joué. Premier ? Non. Non, Rochefort. Quatrième. Donc toi, tu cheats depuis tout à l'heure. Ah non, je cheat pas, je vois rien, je vois juste. Non, de toute façon, il n'y a pas les réponses, vous pouvez regarder. Jean Rochefort ? Jean-Louis pas, David ? Pas Jean Rochefort. Oh. Je pense que c'est un. Jean Reno. C'est un tiré, Jean-Louis. Jean-Louis David, il y a un tiré ? Oui. Non, je pense pas. Entre le Jean et le Louis, peut-être. Bah non, c'est du coup ce que je vais tricher si je fais ça. Moi, tu sauras pas si c'est beaucoup. Si, Jean-Louis David, c'est bon. Oh. Yes. Bien joué. Bien joué. Il est décédé ou je dis une connerie ? Je crois qu'il est décédé. Il est parti, il me semble. Je crois qu'il est décédé il y a pas longtemps. Ça se trouve, il va écouter ce podcast. Non, je pense qu'il est décédé. On s'enfile du coup. Jean Reno, j'étais parti. Ouais. Ah, pas mal. Mais Jean. Ah oh, non, pas Jean Reno. Ah, c'est dommage. C'est triste. Jean Valjean, un petit dernier. Valjean, comment c'est ? Non, mais là, c'est trop. Enfin, sans vouloir faire offense à Google, c'est trop cultivé pour, par rapport à tous les trucs qu'on avait vus tout à l'heure. Oui, on avait du caca. On partirait pas sur un bon Jean Cul. Oh, tu crois ? Bah, du Jean Mas. Tu crois ? Ce serait génial. Tu me régales. Ah putain, il y avait Jeanne d'Arc. Il y avait Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Okay. Il y avait Jean Pascal ou pas ? Non. Jean-Pascal. Je suis déçu, il n'y avait pas Jean Pascal. Ok. Je reviens une célébrité si c'est nul. Vas-y. Ouais, c'est nul. Sabrina. Oh, l'apprenti sorcière. Netflix. Il a trop, il a trop la flemme, Elia. Non, il y a pas Netflix. L'apprenti. Il y a un E. Sorcière. L'apprenti Sabrina. Ou Sabrina, mais la sorcière, sinon, je sais pas. C'est l'apprenti E, je sais pas, je suis mauvais en français. Sorcière. C'est quoi, je mets sorcière, puis on verra les réponses. Bon, allez, la flemme est présente. Non, il n'y a pas. Allez, hop. Ça allez, dégage. Ça dégage. On retourne sur de l'aléatoire, là, parce que on se fait un peu chier. Vas-y. Neymar et. Sa compagne, enfin, sa copine. Ah, c'est E-E-S-T. Il est nul. Ah, nul. E-E-S-T. Neymar et. Non, c'est pas vrai. Non. Le mari est beau. Brésilien. Enfin, même si... Brésilien. Pardon, excuse-moi, je te coupe à fond. Il est aussi beau. Tu le trouves beau ? Non, pas vraiment. Moi non plus. Ouais. Est-ce qu'on peut montrer sa tête ? Mais que je sais qu'il y en a, donc. Aussi. Parce que moi et le foot. Neymar. C'est celui qui se roule par terre tout le temps sur les terrains ? Ouais. C'est celui qui a été vendu sacrément beaucoup de millions. Alors pitié, je suis fan de foot. Il faudrait qu'on évite deux phrases. Ouais. C'est de payer des millions à courir après un ballon. Et ça se roule tout le temps par terre. Parce que ça me casse pas les couilles. J'ai pas dit vendu pour des. Non, non, mais c'est juste qu'il y a plein de mèmes comme quoi ils simulent. Non, beaucoup. Mais par contre, c'est vrai. C'est vrai que Neymar est un grand simulateur. C'est aussi un très grand joueur. Heureusement que t'es le seul attaché au foot ici, a priori. Ouais, ouais, vous pouvez me défoncer aussi hein, si vous avez envie. Tiens, c'est ça. Du coup, tu as vu Neymar ? Ouais, j'ai vu Neymar. Donc c'est Neymar est noir. Ah non, il est chocolat. Neymar est mort, Neymar est-il mort ? Neymar est blessé, Neymar est quand ? Marié, Neymar papa, de quelle origine ? Brésilien. Neymar est rentré de Barcelone et s'est énervé à l'aéroport. Oh non, il y a ça. Je te jure, il y a ça. Ça te touche profondément. Hein. Ça me touche de ouf. Je déteste Neymar, voilà. C'est dit. Comment jouer ? Au Uno. Bon, de la guitare ? Personne, du piano et après t'as t'enchaîné avec tous du les batterie. Oh putain ou non, du batterie du de là oui au keno bon. Il m'a mis il à est la tard il est tard voilà de pardonne. La guitare il est au moins 19h du piano la guitare attends tu le dis non comment jouer à Fortnite oh putain il y a moyen les refs il y a moyen parce qu'il y a plein de gamins qui... oh putain quoi voilà. Premier bah non mais quatrième mais pour moi c'était improbable mais ok. Bah ouais, bah tu peux envoyer les Counter-Strike et Tutti Quinti. Hein. Non, je sais pas, à voir. Attends, comment jouer ? À FIFA. À FIFA, putain, faut. Ouais. Moi, j'y joue très bien. Pourtant. Non. Y'a pas ? Ok. Loto, poker, solitaire, sudoku, tarot, rami, PMU. Comment jouer au PMU ? Génial. Bah tu y vas. Ouais, non, mais le PMU, les chevaux, le turf. C'est ça, non ? Oui, ça s'appelle comme le ça. Turf. Ouais. Le turf. Le turf. Comment cacher ? Végétarien. Comment cacher ? Comment bah encore. Encore. Comment cacher ? Comment cacher ses fesses ? Moi j'aurais été sur toutes les problématiques féminines. Comment cacher, cacher un adultère ? Comment cacher une tromperie ? Ouais. Un truc comme ça. Ouais, sans ses fesses. Une tromperie. Une infidélité. Je sais pas comment ils peuvent le dire. Une infidélité. Je vais mettre. Fidélité. Non. Vas-y, pars sur l'anatomie. Fesses, ouais, sans, comment cacher ses fesses, comment cacher son ventre, comment cacher. Son ventre, deuxième. Son ventre. Comment cacher évidemment. Son penchant pour le nazisme bah, on voit les bourrelets, hein. On voit les bourrelets. Comment, ah, voilà, putain, comment. Ah, oui. Mais oui, c'est bah, sûr, oui. C'est le premier. Ah, non, il n'y a pas de bourrelets. Non, son, le premier, c'est comment cacher son adresse IP. Ah, oh, les bien. Geeks, les geekos. Ouais. C'est les mêmes qui avec un serveur VPN, si vous voulez. Voilà, comment cacher un bouton. Donc ah ouais. Son ventre, il est deuxième. Un bouton, les cernes, ah oui. Sa frange, ses cernes. Sa frange. Comment cacher des tuyaux ? Si ça doit être pour du bricolage. Au son. Comment cacher le mur du voisin? Ça me fait rire. Julien Courbet. Mais je pense qu'il y a pas, doit y avoir un safe search. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs de cul là. non, mais parce que genre, j'ai l'impression que comment cacher ses fesses ou un truc comme ça aurait pu y être. Bah donc, oui. Ça y est pas. Bah, moi aussi je comprends pas. Bizarre. Non, parce que là je suis sur Google en ce moment même et j'ai vraiment les vrais trucs qui viennent me mettre. Ok, ils sont forts, c'est en temps réel. Donc le jeu ne se fout pas de notre gueule. Peut-être que t'as un safe search aussi. Oh, ça m'étonnerait, petit cochon. Cochon. Moi, c'est coquin cochon. Un cochon. Cochon. Pourquoi je rate ma vie. C'est exactement ce que j'avais en fait. Mes examens. Non, c'est pas ça. Mes examens. Pourquoi je rate. Mais au présent, tu sais. Au présent, ouais. Ça. Pourquoi je rate mon examen de la prostate. Non. Non, c'est comment. Non, c'est quoi. Pourquoi. Pourquoi je rate. Pourquoi je rate mes études. Mes examens aussi. Et t'as déjà essayé ma examen, vie. Ça m'a pas. Ouais, on vient d'essayer, toi, ouais. Je sais pas. Ça y est, je vais vous dire les réponses. Pourquoi je rate mon caramel, ma mousse au chocolat, mon train. Ma mayonnaise. Y a pas. Ah, c'est que des trucs du cul. Ah non, si tu rates ton train, c'est. C'est juste t'es en retard. T'es en retard. Ouais, mais si tu rates ta mayonnaise, putain, c'est nul. Pourquoi je rate mon train. Et c'est hyper chaud la mayonnaise. Pourquoi je rate mes crêpes. Pourquoi je rate la béchamel. Pourquoi je rate tout. Pourquoi je rate tout. Le fond du trou. Pourquoi je rate tout. Le pauvre gars, merde, oh putain. Pourquoi je rate toutes mes relations amoureuses. Ah, ça c'est un petit peu plus... Pourquoi on peut pas faire une radio comme Fun Radio, là. Tu sais, les trucs... Sans interdit. Love et tout. Ah ouais, ça pourrait être sympa, ça. On appelle les gens et on reçoit des appels, ils nous disent pourquoi... Ça serait énorme. Ça serait énorme. Non, parce qu'en plus, nous, on a vachement parlé de notre situation professionnelle. On est passé pour des gens super sérieux, alors qu'il y aurait moyen de faire un deuxième truc comme ça. Vous faites quoi demain soir. Mais super délire. Je suis en concert, mais par contre, je suis chaud pour faire une émission de cul. Ah. Tu m'as compris. On peut faire une émission. Ouais, je suis chaud aussi. Vraiment. Un truc plus léger. Ouais. Tu l'animes avec moi, Elliot. Ouais. Allez. Bon, avec ce qui nous met dans un dernier. Pourquoi tu pues. Déjà la question est improbable sur bouche. Google. Pourquoi tu pues de la bouche. Pourquoi tu. Pourquoi tu ne me réponds pas. Ouais, voilà, c'est ça. Si. Me réponds. Pourquoi tu réponds pas. Pourquoi tu m'aimes. On sent l'expérience. Tu m'aimes. Tu m'aimes. On sent les recherches qui viennent de loin. Pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes. Ouais, pourquoi tu l'aimes. L'apostrophe AIMES. Pourquoi tu l'oublies pas. Oh. Alors, non, mais tu m'aimes du coup. Ah, tu m'aimes, ça marche. Il a marché. Pourquoi tu m'aimes. Pourquoi tu m'aimes. Mais Google ne t'aime pas, mon gars. Pourquoi tu m'aimes. Pourquoi tu m'aimes pas. Pas ou plus. Ouais, pourquoi tu m'aimes plus. Pourquoi tu m'as jamais aimé. Je mets quoi là dans le truc. En même temps, c'est énorme parce que le truc, c'est pourquoi tu m'aimes plus. Pourquoi tu m'aimes plus. Il y a un S à plus, putain. Ouais. Oui. Sinon, c'est pourquoi tu m'as plu. Non. Alors, c'est qu'il l'a plu. Ouais, voilà. Sur comme, ta tête. Comme cet après-midi. Avec tes chats. Parce qu'il pleut sur la tête de Elliot. Alors. Pourquoi. Bah, une dernière propale et puis je vous donne les réponses. Pourquoi tu parles fort. Pourquoi tu pleures. Pourquoi tu pleures. Bonsoir. Bienvenue, enchanté. C'est bon, ça y est, au bout de deux heures, on commence premier, à être en. Pourquoi tu pleures. Oh. Bonne collaboration. C'est énorme. Et donc, je vais fait vous ça donner. Faire. Pourquoi tu forces. Pourquoi tu fais pourquoi ça. Tu forces. Pourquoi tu parles pas. Tu vois, il a pas mis le safe church. Il y a une grosse communauté de dragueurs sur Google. Hein. Le pourquoi tu forces, ça va très bien avec les premières pourquoi questions. Pourquoi tu ris. Pourquoi tu es moche. Pourquoi tu m'appelles. Du coup, 11 points, 7 points, 6 points. J'ai 11 points. T'as 11 points, tu es le grand gagnant. Il nous a bien baisé. Voilà. Exactement. Merci à tous. Voilà. Le pro je de Google. Tu ou pas. Monsieur Google, même pas envie d'applaudir. Tu as le titre de Monsieur Google pour cette émission. On mettra ta photo avec un petit badge Monsieur Google. C'est parti. J'aurais trop la flemme au je montage. Sur le... Ah oui, mais non, c'est un. Ah, on peut mettre une photo dévalorisante de toi, du coup. En fait. Du coup ça passe moi, je suis pour. Ouais, pour. Ça t'arrange, du coup. Je peux vous envoyer une photo de moi. Oui, clairement. Tout nu comme un verre, les fesses à l'air comme qui date de 2008. On est pour aussi. Tu mets les deux, mets les deux. 2008, 2007, une photo vraiment vieille. Ah oh, mon dieu, j'étais gros. Faut vraiment que ça fasse moins de 2 millions de pixels, que ça soit vraiment premier, dégueulasse. Premier, on adore. Pris à la kermesse de l'école Saint-Joseph à Beaupro, bien sûr. C'est hyper précis. Eh vache. Oui yes. Non, en plus, j'étais pas à Saint-Joseph à Beaupro. Bref, on s'en branle. Eh bien, voilà les copains, ça fait deux heures qu'on parle, plus de deux heures qu'on parle ensemble. On va se faire un dernier tour de table pour les actus, les derniers trucs, l'exutoire final de cette émission. Je vous remercie déjà en amont d'avoir été présent avec nous. Merci à vous, Johan et Elliot. Merci beaucoup. C'était trop cool. C'était très cool. Voilà. Très bonne expérience. Ça t'a plu, Fanny? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. On reviendra. Belle ambiance. Alors, Fanny, continue sur ta lancée. Et, petites actus, les projets à venir, ce que tu as le droit de dire. Hein. Les actus... Voilà, il n'y a pas d'actu, moi je suis étudiante. Oh. Je suis étudiante. Non, non, mais si vous voulez me retrouver, je suis au bar près du... près du poteau. Tous les jeudis, ça. Près des machines de Lille, ça s'appelle comment? Voilà, je suis toujours là. Ah, ouais, ouais. Je connais pas, c'est la bière. Oui, c'est une bière. Coup, ouais. Oui, je sais, c'est sûr. C'est okay. Très sympa. Voilà. Je suis souvent là-bas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'actu. Prochain projet. Il y a des mecs flippants qui peuvent venir maintenant et ça vous tait. Ils peuvent voilà. Te stalker, c'est génial. J'avoue. Moi, je vais leur dire où ça. Je suis. Personne qui va venir. Je vais mettre un bip. Je suis hyper innocente ouais. Comme fille. Je vais biper pour ta sécurité. Donc, tu parlais de Laval l'année prochaine pour continuer les études. Ouais, Laval l'année prochaine. Et puis, projet de fin d'études qui va combiner les outils de designer avec la danse. Mm-hmm. Et peut-être un partenariat avec. La société une dont société, on ne dira pas le nom. Mais je peux pas dire pour l'instant. Trop okay. Bien. Voilà. Excellent. Ça mais un bon truc nantais, donc c'est cool. Et du coup, je vous le dirai en off. Yes. Yeah. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais. C'est ça. Soyez attentionnés. Puis sinon, alerte. J'ai deux Instagram, mais tu les mettras ouais, en bas. Ouais, il y aura tout dans la description pour pouvoir vous retrouver, tous les projets et tout. On mettra du coup Lucas, qui chante fort dans un groupe. Yo tout le monde, c'est Lucas. C'était un petit intro à la Squeezie. Excellent. Squeezie first. Ouais, du coup, est-ce qu'on a des places gratuites pour oui, le prochain ah bah concert? Oui, clairement. C'est offert clairement, ouais. Oh, à fond. En yes. Plus, là, je le dis genre ouais, ouais, mais en off, je te dirais ouais, ouais. Oh, je vous valide ça au montage. C'est sûr, mais évidemment. De toute façon, nos concerts sont gratuits, donc... Non, moi, je joue c'est dans un trucs. Groupe qui s'appelle Mad Foxes, avec deux mecs qui s'appellent Ellie et Marc, que tu connais, parce qu'en fait, on va le dire, t'as fait un clip pour nous. Deux clips pour nous, ouais, c'est vrai. Deux clips live pour nous, et donc c'est comme ça qu'on se connaît. Enfin, on se connaît depuis plus longtemps. On se connaît et depuis 1000 ans au moins. Depuis 1000 ans. T'avais les cheveux rouges, boum. Oh la vache, ouais. Yeah, non. Dossier, et moi j'étais gros. Et moi j'étais plus fin. Allez. Ouais. Merde. Bon, ouais, c'était ton premier EP que j'ai enregistré. Mon premier EP avec mon groupe, ouais, c'était en 2011. Oh, pire que ça. 2010. Ah non, 2010, j'étais dans un autre. Je pense ouais, que c'était 2011. Parlons. Ouais. Ouais, par là. 2011. Bah ouais, alors, carrément. En ce moment, l'actu, c'est Mad Foxes. On a un groupe, on a sorti un album en octobre dernier qui s'appelle Desert Island Wish. Et là, on a fait une tournée depuis et on continue à faire des dates un peu partout. On jouera en Nantes. Oh, je me fais t'es allé trop vite. On jouera à Nantes en novembre au Black Shelter. Et on jouera. Enfin, c'est à Carquefou d'ailleurs. Ne vous méprenez pas. Et voilà, on a d'autres dates sûrement qui vont venir à Nantes. Ah, on joue à la fête de la musique le 21 juin au Café du Cinéma, devant. Donc venez nous voir. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, MySpace et Skyblog. Yes, yeah, génial. On va vraiment faire cette émission où on ressort nos vieux Skyblog. Ah oui, je l'ai encore. Oh, et bien vous êtes sur la liste. Non, je peux pas vous le dire, c'est trop lent. Mais ça va sortir, ah, oui, c'est obligé. Oui. Lien dans la description. Fais gaffe, je recherche sur internet. Oh oui. Ok, superbe actu. Et tes autres projets qu'on va pouvoir ah ouais, voir Tickles, un jour. Ça c'est mon groupe de punk un peu vénère où je fais que du chant. C'est hyper violent, c'est teinté un peu Idols ou des trucs comme ça que tu connais peut-être. Ou Mess, un groupe américain qui s'appelle Mess comme la ville française. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Des trucs comme ça. En gros, c'est assez punk. Et ça, on fait un concert le 2 juin, si je ne m'amuse, ou le 3 juin, au Café du Cinéma, puisqu'on joue que là-bas en fait. Et avec Feathering, on fait quelques concerts, mais pas trop parce que c'est la flemme. Un par an, voilà. Selon la blague. Et je les aime. Exactement. Mais non, mais Matt joue dans Ultra, bah oui. Vomit, donc il n'a pas le temps. Et moi, je fais en sorte de ne pas avoir le temps. Donc. Oh. Mathieu, reviens. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Ok, super. Et vous, les gars? Oui. Oh, et ben nous, des vidéos à venir, des conneries vraiment cons. Ouais, ça se prépare tranquillement. On se retrouve yes. Bloqué sur des montages qui sont hyper chiants à faire pour des trucs très cons. Et c'est clair. On perd un temps monstrueux. Et puis parce qu'on organise cette émission pour avoir des gens cool avec nous. Oh, c'est toujours bien d'avoir des gens cool. Voilà, on peut teaser la prochaine émission avec un producteur de musique à Nantes et un comédien nantais. On n'a pas les noms. Ah non, pas de nom. Pas de fille. Ça viendra. On mais je suis déçu. Je suis déçu. Mais manifestez-vous, voilà. Oui, si voilà. Vous faites des trucs cool, venez. Vous ça êtes des avec grand plaisir. Exactement. Si vous avez des filles, des mecs, faites des trucs. Effectivement, j'aime bien ce truc-là. Ouais, c'est cool. Une fille, un mec. C'est trop bien. Si on peut garder ça, ce serait énorme. Marie, c'est top. Merci Fanny d'être là. Et moi, c'est ma première émission où je ne connais pas les deux invités. On s'était jamais croisés. Voilà. Exact. Et alors ça va pour les premières impressions? Bah c'est super, j'aime bien parce que on a reçu des gens qu'on connaissait jusqu'ici et du coup bon bah c'est facile. Ouais. Là c'est moins facile et c'est cool. Trop bien. Et découvrir des gens c'est vraiment génial. Ça fait sortir sa zone de confort. Vrai. Ouais. Ouais. Mmh. C'est génial, super. Bon. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous retrouvez tous les liens, tout ce qu'il faut dans la description. Manifestez-vous si vous avez envie de passer un super candidat qui se présente. On sera vraiment sur un plateau télé, c'est génial. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, salut. Ciao. Salut. Et là, il y a une grosse musique. Pas du tout. Bon, bah, bravo. Ouf. Je meurs de choses. Attends, tu fais double poignée de main. Félicitations. Ah, il crève de chaud, c'est n'importe quoi. Putain, j'ai sué dans mon casque. J'ai sué dans mon casque. Ah, moi, je suis pas du cul, moi, ça va.